on marche avec le Seigneur. En chantant, pas en murmurant. Bon nombre de nous marchent en murmurant. La jeunité, Dieu. Non, c'est chanter des cantiques. En chantant. On marche avec lui en chantant. Devant l'épreuve, devant l'obstacle, on chante. C'est facile. Ça fait mal ici. Ça donne les pensées. Nous sommes à gauche, à droite, par-ci, par-là. Mais gardons-nous du murmure. Les murmures ne nous aident pas. Les murmures, au contraire, nous poussent dans la fosse. Ça tire la parole de Dieu sur nous. Si on regarde exactement dans le livre d'Exode, nous verrons que quand le Seigneur appelait son peuple, il avait un dessein. Se faire connaître à son peuple, se faire connaître à eux, dans sa façon à lui, il a choisi. Maintenant, le peuple était rebelle, le peuple était endurci. On ne pouvait pas comprendre ça, ses voix. Et par contre, eux murmuraient, les murmures. Est-ce que Dieu peut faire ceci? Est-ce que Dieu peut nous donner la viande au dessus? Est-ce qu'il peut dresser une table devant nous? Est-ce que c'est la question qu'il devrait poser? Tous les miracles que Dieu a produits en Égypte pour les faire sortir devraient les donner. À comprendre s'il a fait ceci, il a changé l'eau en sang, il a fait noircir la ville, il a frappé les nouveaux-nés et gardé son peuple au camp. L'enfant est mort chez les Israélites. Il a fait tuer les brebis. Aucun de leurs pas n'est mort. Ça devrait suffire à prendre garde, à comprendre que s'il a fait ces choses, il peut faire plus. Au lieu de dire, est-ce que Dieu peut dresser une table devant de lui, il pouvait seulement dire, Seigneur, donne-nous le pain à manger. Dieu devrait leur donner le pain et il devrait chanter des cantiques. Forcément, tu pries tes os, c'est la joie qui débute dans ton cœur. Mais ils ont préféré murmurer. Et ça, il était le Seigneur des cieux. Il les a donné la viande, bien sûr, ce qu'ils ont demandé dans les murmures. Et quand ils ont mis dans la bouche, le Seigneur n'est pas arrivé dans le ventre. Tous sont morts. Parce qu'ils ont murmuré avec le Seigneur. Après, non. Ce n'est pas facile. Parce que les murmures nous habitent déjà. Ça nous habite. Naturellement, le péché est en nous. Les murmures, là, tout ça, c'est ici dedans. Mais seulement, apprenons à vivre la parole. Je le dis très souvent, si vous êtes devant une épreuve, juste parce qu'il surgit dans votre cœur un verset biblique, attachez-vous. Si ça vient dans ton esprit, ça vient de sur ton pain quotidien. Pain de chaque jour, c'est ça. Voilà là où on t'attaque. Tu dois devoir garder. Tu dois devoir garder. Et comme tu as gagné, tu as la victoire. En fait, quand ça vient comme ça, c'est pour te dire, dans le test, la victoire t'attaque. C'est à côté là. Choisis ton camp. Si tu choisis murmurer, murmure, tu avances, tu laisses le Seigneur. Si tu choisis l'obéir, obéis et attends que sa gloire s'éclate. Ce n'est pas facile, mais cela est possible. Pour quiconque a pris à cœur le commandement de notre Seigneur, pour quiconque a compris que le Seigneur veut que nous entrons dans sa connaissance jour après jour. Celui qui accomplit ça est résolu en lui-même. Il avance. Il avance. C'est un peu, on marche avec le Seigneur. Plus tu marches avec lui, plus tu vois ses bienfaits, plus tu vois sa pensée vis-à-vis de toi, tu vois sa bienveillance, tu commences à te plaire dans ses voies. Tu commences à te plaire et toi, tu es fortifié. Alors on peut suivre le Seigneur. Devant les prêts, pendant que les autres réfléchissent qu'on va faire comment. Donc, ici, le Seigneur a dit, demandez tout ce que vous demandez en mon nom, avec foi, je le ferai. Il a dit, je le ferai. Tu peux terminer de prier, il te l'accorde. Il peut attendre deux jours, deux heures. Il peut attendre un an, selon son bien merveilleux dessein. Il fait ce qu'il veut faire à l'heure où cela est nécessaire. On n'abandonne personne. Alors soyons des hommes conscients. Chaque fois, je le dirai ici, des êtres conscients. Ne soyons pas des chrétiens de nom, ni de parole, ni de pensée. Je pense que je suis chrétien, on doit savoir qu'on est chrétien. Je pense que je crois, non, on doit savoir qu'on croit au Dieu vivant. Je pense que j'ai confiance en Dieu. Non, tu dois savoir que j'ai confiance en Dieu. Tu dois le savoir. Si tu penses devant l'épreuve, toi-même, tu vas voir que ta pensée là, limitée ici dans ton cerveau, ce n'est pas descendu ici. Mais quand tu crois, tu connais devant l'épreuve, ça ne te dira absolument rien. Dans le livre de Daniel, quand on prend ces trois frères pour jeter Abednego et ses deux autres collègues pour jeter dans la fournaise Adam, la parole qu'on déclare, c'est chauffer cette fois. Mieux puissamment le fou plus qu'autrefois. Vous croyez que la parole s'il vient au hasard, c'est pour le déstabiliser. C'est pour que chacun aura dit que merde. Abednego, c'est faux là. Cette fois, Dieu peut nous sauver dans cette capacité-là. Ils ont dit, si ça vous plaît, faites même 14, même 1000 fois plus que ça. Le Dieu dont nous servons, notre Seigneur est tout puissant. Donc ça ne les dérangeait pas. On avait tout ça, même les liquidités déclarent, les gens qui les transportaient pour aller jeter là-bas sont même morts avant eux. Donc la chaleur était encore, ils n'ont pas pu supporter. Mais ceci était tranquille. La confiance. Le Seigneur, il le connaissait. Il le connaissait. Il pouvait ne pas se tordre. Il pouvait ne pas réfléchir. Il le connaissait. Vous voyez des personnes comme Anne, la mère de Samuel, dans 1 Samuel là-bas. Son épreuve, pour elle, c'était même qu'à la maison. Ce n'était pas le genre, tu pars au carrefour, tu trouves ça là-bas, et puis tu laisses au carrefour pour venir à la maison. C'était dans la maison. Ça vous pousse. Même si elle n'a pas pris la course pour aller vers le sacrificateur, il dit pour le secouer, le secouer, que prie pour moi, prie pour que Dieu m'exauce. Non. Elle a laissé tout ça. Elle savait. Et lui, il va m'exaucer. Elle persistait là-bas. Elle rentre, ça ne dose pas. L'année prochaine, elle vient. Elle parle là-bas. Ça ne dose pas. L'année prochaine, elle vient. Elle ne se décourage pas. Jusqu'à ce que le grand roi a choisi par qui il va répondre. C'est-à-dire, certainement, il a murmuré dans le cœur de lui. Je suis le problème de ma fille. Toi, tu es la joie, je ne tue rien. La parole qui a été sortie, il a donné la joie dans le cœur. Ça a ôté le fardeau qui est sur son cœur. C'est la joie qui est revenue. Elle pouvait rentrer avec les louanges. Certainement. Parce qu'elle connaissait le Dieu dont elle invoquait. Elle n'invoquait pas dans sa pensée. Parce que si tu invoques dans ta pensée, forcément, deux, trois fois, deux années, trois années, tu vas chercher autrement. Mais quand tu me connais, elle avait eu la certitude, une assurance. Ce que je demande, une femme de l'homme. C'est ce que le chrétien, nous devons chercher dans le Seigneur. Chaque jour, accepter. Le véritable problème, c'est d'accepter que l'épreuve vient. C'est d'accepter. Parce que bon nombre parmi nous n'aiment pas l'épreuve. Nous sommes d'accord. Bon nombre parmi nous n'aiment pas l'épreuve. Nous avons oublié que c'est l'épreuve qui nous bâtit. Sans épreuve, il n'y a pas la foi. C'est devant l'épreuve. Et toi-même, tu sais que oui, Dieu est avec moi. Dieu est avec moi dans l'épreuve. Dieu est avec moi. Je marche en compagnie de mon Seigneur. Je marche en sa compagnie. Je suis persuadé que où je me trouve, quoi que je fasse, il me voit, il m'entend. Ce n'est pas seulement à l'église qu'on prie, Dieu entend. Ce n'est pas seulement quand on est à la maison. Non. Au marché, dans la voiture, pendant qu'on voyage, on est en train de prier. Sans faire du bruit, sans s'agiter, parce que ici, notre Seigneur, le cœur est connecté à lui. Est connecté à lui. Alors on devrait vraiment accepter que l'épreuve nous soit donnée. L'épreuve vient, mais ne murmurons pas comme disait Cantique. Marchez en chantant. Marchez avec lui en chantant. Marchez avec lui en chantant. C'est partant de là que nous pouvons nous réjouir. Parce que pour le Seigneur, ce qui donne la victoire n'est pas assez grand. Et ce qui ruine l'homme n'est pas aussi grand. C'est très petit comme ça. Très petit. Si on prend les... Regardons dans les Écritures. La femme de Lot, elle sortait du Sodome et Gomorrhe là-bas. L'ordonnance qu'il avait été donnée, c'est qu'on ne regarde, on ne se retourne pas. Nous sommes d'accord. On ne se retourne pas en arrière. Donc avance seulement. Il a suffi qu'elle fait, c'est rien comme ça, et puis c'est fini. Elle est calée là-bas. Ce n'est pas grand-chose. Tout juste, ça brûlait ici. Oh, jusqu'à dire. C'est très fort. Et je vois Dieu miséricordieux. Je suis vraiment miséricordieux. Il a toujours accordé sa miséricorde. Qu'elle se repose là-bas. Si on regarde Caleb et Josué, c'est la même chose. Quand on les a envoyés espionner là-bas, ils sont tous allés. Au retour, 10 personnes ont pris leur camp. Nous étions allés pieds comme des fous. On ne peut pas. Donc, l'Éternel, avant de nous envoyer là-bas, n'a pas bien réfléchi. Lui, il ne voit pas. Mais, tu crois qu'en voyant un géant comme ça, tu vas te placer où pour couper son cou? Tu ne peux pas. Jésus et Caleb, il a suffi. Il dit, nous avons confiance au Seigneur. Allons, comme il a dit, nous allons vaincre. Et que tu dis, cela l'a été imputé à justice. Dieu a dit que voici, ils sont animés de mon esprit. Mais les 10 autres, ce n'est pas comme ça. Alors, un peu de levain fait lever toute la partie, pas beaucoup. On admet l'épreuve. Le Seigneur nous donne victoire. On devient plus fort. On commence à comprendre que, comme je ne suis pas tombé ici, je ne peux pas tomber là-dedans. Tu es déterminé à avancer, même si tu vois les épines partout. Même si tu vois les épines partout. Dans ce livre de Luc, il y a les 10 lépreux qui ont rencontré le Seigneur Jésus. Il a dit, allez vous laver dans cette eau de Siloé. Quand ils se sont tournés, il fut guéri. Ils étaient 10. Il y avait un étranger, un samaritain. Il s'est vu en route, dit, hey, c'est pas normal. Quelqu'un dit, allez. Et je ne suis même pas arrivé à l'eau, je suis guéri. Mais ce n'est pas normal. Il faut que je le rencontre. Il faut que je connaisse exactement la personne. Les 10 autres, les 9 autres. Celui qui fait ma joie, c'est mon papa. Et oh, chez moi, on va aller chez. Ah, je suis guéri. Et avant, ces gens, certainement, ils sont allés au quartier. Ils disent, l'autre Dieu, tu m'as insulté le preux. Tu as vu ça? Tu as vu ça? Le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, Isaac, Jacob est vivant. Ils n'ont pas tort, c'est normal. Mais celui-là dit, je ne mérite pas cette grâce. C'est mieux que j'aille, que je le rencontre. Il est revenu donner gloire à Dieu. Le Seigneur dit, mais il n'y a que toi qui es revenu donner gloire à Dieu. Mais les 9 autres ne sont-ils pas guéris? Ils étaient guéris. Il dit, ta foi t'a sauvé. Un petit geste l'a donné à être guéri et sauvé. Mais les autres est guéri, mais pas sauvé. Donc ça peut venir 10 fois plus que ce qui est dit en eux. Alors on devrait être des sages dans le Seigneur pour prendre des bons exemples et non le raisonnement. Ne prenons pas la majorité. Quand, non, ils sont 9, ils ont bien fait. Non, soyons prudents. Soyons prudents dans le Seigneur. Et faisons toujours. Choisissons la bonne part. Choisissons la bonne part. C'est important pour bâtir notre foi. Pour être des hommes fins dans la foi. Remarquons que le Seigneur dit toujours, la détresse va venir. Ça ne manque pas. Mais il a dit, invoque-moi au jour de la détresse. Invoque-moi au jour de la détresse. Comment tu vas l'invoquer plutôt au jour de la détresse? Si tu ne le connais pas, peux-tu l'invoquer au jour de la détresse? Faut que tu aies pour coutume de marcher avec lui. Il faut que tu le connaisses. Oh, voici mon compagnon. Parce que la détresse ne t'attend pas seulement à la maison, ni au carrefour. Ça peut être en brousse là-bas. Ça peut être sur un endroit où tu vas. Au secours! Personne ne répond. Tu es là tout seul. Sauvez-moi! Qui t'a d'abord envoyé là-bas? Ici, il n'y a pas le pasteur à côté. Ici, il n'y a pas un frère en Christ qui va intercéder pour toi. Ici, ni ton père, ni ta mère, même le marabout ne peut pas venir là-bas. Il y a une seule personne qui se tient à ta droite. Il est invisible. Il attend que tu marches. Tu cries à lui. Ici, il faut que tu l'as connu d'avance pour l'invoquer. Ici, il faut que tu l'as connu d'avance pour l'invoquer. Il faut que tu l'as connu d'avance. Il faut que tu aies marché avec lui. Il faut que tu aies ses échos. Que tu saches en toi-même que j'ai crié une fois, il a réagi. Deux fois, il a réagi. Trois fois, en fait, il réagit. Ça veut dire, dès que tu cales là, tu cries, il ne dit rien. Tu ne te décourages pas. Tu sais qu'il fera. Il le fera. Tout chrétien, tout saint, a son épreuve. Et la détresse nous attend tous au bout du chemin. Un endroit où on ne connaît pas. La détresse nous attend tous. Si nous prenons les Écritures tout doucement, nous verrons que chaque saint, chaque enfant, chaque serviteur que le Seigneur a appelé hors d'un système a toujours eu à rencontrer la détresse. A toujours eu à rencontrer la détresse. Mais la victoire nous a été donnée avant. Ils vous combattront, ils ne vous vaincront point. Dans le combat, on l'attend. Mais aussi, on sait qu'on a la victoire. Aussi, on sait qu'on a la victoire. L'épreuve d'Abraham, c'était quoi? Sa part de son épreuve était quoi? C'était son neveu Lot. On remarque dans ce passage de Genèse 18-19, on voit que quand Lot était à Sodome, Abraham était avec le Seigneur. Abraham n'a jamais fait mention du nom de Lot, mais c'est de lui qu'il parlait. Il n'est pas allé chercher le secours nulle part. Il est resté avec celui qui peut rendre l'impossible possible parce qu'il le connaissait. Finalement, Dieu l'a accordé la victoire. Pour Isaac, c'est pareil avec Rebecca. Elle n'enfantait pas. Elle était stérile. Il n'a pas couru nulle part. Il a invoqué le Dieu de son père. Le Dieu de son père l'a exaucé. Pour Jacob, était Esaü. Esaü se tenait là. Que tu vas confirmer. Il a commencé à dire le Dieu de mon père. Pourtant, il a même d'abord fait la promesse dans Genèse 28 là-bas que si tu me gardes durant tout mon voyage et tu pourvois à mes besoins, soit le pain et les vêtements, tu seras, l'Éternel sera mon Dieu. Il a dit que c'est rien. Pour moi, c'est facile. Mais c'est toi qui est le problème. Quand il avançait, c'était fort, c'était fort, c'était fort. Quand il est venu, il a dit que le Dieu de mon père, Abraham, le Dieu de mon père, Isaac, Dieu a dit que je ne veux pas être seulement pour Abraham, seulement pour Isaac, je veux être ton Dieu, comme tu l'as dit. Quand c'était fort, que tu nous montres qu'il a passé la nuit tout seul dans un endroit, tout seul, subitement, on dit qu'un homme luttait avec lui. Est-ce qu'il est allé s'asseoir quelque part comme ça pour attendre un homme? Il était dans les prières. Il criait. Si tu ne m'aimes pas, je ne peux pas m'en sortir. Quand ce grand maître s'est présenté, il a dit que je signe en main jusqu'à ce que la victoire lui a été accordée. Il le connaissait d'avance. Alors chaque fois, si on regarde toujours, on va voir devant Goliath, et David et Goliath, dit David en venant savait que Dieu allait livrer Goliath, les Philistins entre ses mains. Donc il connaissait. Donc pendant sa vie, il avait des choses qu'il a vues. Et il raconte son histoire. On voit que un enfant, un jeune enfant, un berger au champ, le lion vient prendre sa brebis, il poursuit la croix. Quelle force, quel courage. Mais quand il allait, Dieu le préparait à comprendre que devant le mur de Berlin, tu ne crains pas. Devant le mur de Berlin, tu ne crains pas. Alors comme il a vaincu le lion, Goliath pour lui n'était rien. Cependant, Saül voyait Goliath comme le mur de Berlin. Si on suit le parcours tout doucement, on verra que dans la vie de Saül, il n'avait pas invoqué le Seigneur comme cela devrait être. Il dit, le Dieu de Samuel, c'est lui. Samuel, quand il a un problème, c'est Samuel qui va venir. Il n'avait pas l'intimité avec ce grand Dieu-là. Alors David avait ses choses. il pouvait connaître le moment venu, il pouvait accepter l'épreuve. Il s'engage parce qu'il savait qu'il avait la victoire. Il ne comptait pas sur ses forces, mais il comptait sur celui sur qui l'existence se repose, le Dieu vivant. Alors nous, chrétiens, frères et sœurs, soyons armés dans le Seigneur, avec le Seigneur, en nous appuyant uniquement sur lui, non sur un frère, non sur une sœur, non sur un pasteur, non sur un prophète ni évangéliste, mais sur Dieu. S'il choisit passer par un frère pour désosser, on dit amen. S'il choisit passer par le prophète, on dit amen. Par l'évangéliste, amen. Par l'apôtre, amen. S'il décide dans sa souveraineté d'adresser la parole individuellement, c'est amen. Ses voix sont insondables. Connaissons le Seigneur. Nous nous rassemblons comme ceci. C'est bien. Mais peut-être dans 30 minutes, on ne sera plus. Chacun, dans son coin, doit vivre la grâce de Dieu qui est sur lui. Il doit devoir vivre le Dieu qu'il loue, qu'il sait dans son cœur. On doit devoir le vivre. Si on rentre toujours dans le livre de Genèse, on va toujours remarquer que chaque disciple du Seigneur qui était là-bas, le peuple rendait témoignage d'eux, de la vie de Dieu en eux. Nous remarquons ces choses, n'est-ce pas? Où on regarde dans les Écritures, nous verrons exactement que c'est. Abraham, on l'a traité d'un prince de l'Éternel parce qu'on savait qu'on voyait la main de Dieu agir sur lui. Isaac était pareil, on rendait ce témoignage de lui. Laban a rendu ce même témoignage sur Jacob, que Dieu m'a béni à cause de toi. Donc quand on le voyait, il n'a pas prêché que je sais Dieu. Mais quand on le voyait, on voyait cette grâce sur lui. Joseph était pareil, chez Potiphar. Il a remarqué que cet enfant n'est pas comme les autres. Tout ce qui touche le Dieu vivant est avec lui. Il ne prêchait pas. Il ne disait pas, je sais le Dieu des cieux et la terre, je sais celui qui... Non, pas de bruit. Parce qu'il gardait ses commandements. Il marchait dans ses voies. Il a accepté toutes les preuves. Mais il sait que dans l'épreuve, j'invoque celui qui a la solution au-dessus de toute épreuve. Il l'a invoqué. Chez Pharaon, là-bas, Pharaon a vu et a rendu témoignage que le Dieu, cet enfant, est habité, l'Esprit de Dieu. Tous les autres, c'est pareil. Tous les autres. On reconnaissait la vie de leur Seigneur en eux. C'est pourquoi dans ce Jean 14 et Jean 16 là-bas, le Seigneur dit, si vous gardez mes commandements, si mes paroles demeurent en vous, vous mettez en pratique mes commandements, alors tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Tout. Mais au préalable, il faut que tu gardes ces commandements. Ces commandements ne sont pas bénis. Il faut au préalable vivre cela. Pour que le jour de la détresse, les commandements qui t'habitent parlent en ta faveur. Si ces paroles nous habitent, on peut connaître l'invoquer. Si ces paroles nous habitent, on peut connaître l'invoquer. Parce que ce n'est plus toi qui parles. La parole qui est en toi se lève et parle. Parce que lui et sa parole sont un. 1 Jean 1:1. Au commencement était la parole là. Dieu. Alors si lui et sa parole sont un, s'il t'habite, c'est lui-même qui est en toi. Le moment venu, il te met les paroles convenables sur les lèvres pour l'invoquer. Tu l'invoques selon sa volonté. Il est présent. Il est présent. Alors nous les saints, je nous prie de ne pas être comme des religieux, de ne pas servir Dieu en pensée. Il n'est pas servi Dieu dans l'imagination, dans les suppositions. Je suppose que je sais Dieu, je suppose que je connais Dieu, je suppose que je marche avec Dieu. On devrait avoir la conviction. On devrait avoir la conviction dans notre marche avec Dieu. On ne veut connaître que où que je suis avec mon Seigneur. Partant d'ici, on est heureux. Si on te kidnappe, je ne sais pas, on te voit les yeux, on t'amène où tu ne sais. Le pasteur n'est pas, je te dis la vérité. Il n'y a pas un lieu où tu vas te prosterner, comme en église, pour prier. En te débattant, la force va te quitter. Mais tu conserves ta force, tu es tranquille. Le cœur agit. Parce qu'au préalable, nous on avait appliqué le cœur à la prière. On a mis la bande sur ta bouche pour que tu ne cries pas. Tu ne vas pas crier. Oh, c'est... Non, c'est fermé là. Mais ici, ça part. Parce qu'au préalable, on l'avait ici. On marchait avec notre Seigneur ici. Quand le moment vient, tu es tranquille. Tu es tranquille. Tu es tranquille. Mais bien-aimé, soyons sérieux avec le Seigneur. Amen. Amen. Soyons vraiment sérieux. Et ne laissons personne nous écarter de la confiance qu'on a envers le Seigneur. Je redirai ceci. Chaque fois que nous serons devant l'épreuve, les deux maîtres sont avec nous. Vous savez au moins ça. Chaque fois que l'épreuve se présente devant toi, les deux camps sont là, la droite et la gauche, et chacun te suggère les pensées. Pour t'embrouiller. Mais ici, il faut avoir connu le vrai pour choisir. Il faut avoir connu le vrai. Je peux parler là de. Bon nombre parmi nous ont cru et leur famille les a rejetés. Un des jours où une situation est costaud se présente devant toi. L'aide sort de nulle part. Chacun commence à te proposer son aide. Si tu dis directement oui, dès que tu as dit oui, tu comptes sur la personne, il ne vient plus. Tout leur problème peut être que tu quittes la voie du Seigneur. Tu choisis l'aide de l'homme. Il faut bien être attentif avec le Seigneur. Si on le connaît, on va faire le bon choix. Tu n'attends pas l'aide de l'homme comme tous les autres. Le Seigneur, aide-moi. J'attends ton aide. Si c'est lui qui choisit par qui va t'aider, la personne ne te conditionne à rien. Il ne te pose pas de questions. Il ne veut pas savoir. Il donne l'aide que le Seigneur lui a donné. Le fait. Le problème est résolu. Et tu es en paix. Tu peux avoir des problèmes. La personne commence à te dire, j'ai mes 50 000 là, je vais te prêter. Tu fermes. Tu vois que tu vas prendre les 50 000, faire ton vœu, ça va finir. Oh, c'est l'autre masse de charge que tu mets sur ta tête. Parce qu'après avoir compris avec les 50 000, tu n'auras plus 50 000 à rembourser. Pourquoi tu rembourses? Tu vas faire comme ça. Tu vas mettre ta main sur ce que tu ne devrais pas faire. Parce que tu as vu que l'aide s'y porte rapidement. Non. Or, connaissant les Écritures, le Seigneur il ne devait rien à personne. Si ce n'est de l'amour, les uns les autres. Tu veux accepter l'aide, tu entends, ne devais rien à personne. Tu dis, ah, tu as dit quoi, ma soeur, que je peux te prêter? Tu dis, merci. Mais le prêt, je ne suis pas dedans, je ne peux pas. Tu as dit, moi, ça va faire. Tu dis, oui, tu as raison, mais je ne peux pas prendre le prêt. Tu laisses le parler. Tu es tranquille, tu intercèdes. Tu cherches la face du Seigneur jusqu'à ce que lui se réveille. Il dit, voici la solution. La solution. Sa bénédiction ne fait sur eux d'aucun chacun. Ça ne fait sur eux d'aucun chacun. Tu ne réfléchis pas que hey, je vais m'en sortir comme lui. Je vais réparer ceci. Je vais faire comment avec ceci. Non. Au contraire. Ton cœur exalte le grand roi. Ton cœur exalte. Alors au préalable, il faut garder ses commandements. Il faut connaître ses commandements. Parce que si tu ne connais pas, tu vas accepter à tort et à travers, et les commandements vont venir t'attraper. Après, tu vas prier le même Dieu. Oh Seigneur, aide-moi à rembourser mes dettes. Il reste calme. Tu vas te plaindre. Tu vas murmurer. Ici, on ne marche pas en chantant. On marche en murmurant. Mais j'ai prié. J'ai pris 3 jours de jeûne. J'ai pris 9 jours. Mais voici, hein, depuis que j'ai prié, Dieu n'agit pas. Depuis, tu vas courir chez le pasteur. Même le pasteur, ça le dépasse. Parce qu'on croit que c'est le pasteur qui parle. Un pasteur qui est habité de l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui parle quand il veut. Quand il veut, même le pasteur n'a pas de pouvoir sur lui. Le pasteur ne peut pas le sonder s'il ne veut pas que tu le sondes. Donc, en allant vers le serviteur, Si Dieu ne veut pas parler, il ne parlera pas. Alors tu vas commencer à dire, tel est vrai, tel est faux. Je suis allé là-bas, il ne m'a pas donné la solution. Et tu, souvent tu vois la solution de l'autre et de lui, tu murmures. Dieu voit que t'es, il ne voit pas aussi tout ça et tu n'ajoutes des problèmes que sur des problèmes. Parce qu'on ne connaissait pas exactement à qui on a affaire. Et pourquoi chacun de nous devait prendre garde et prendre soin de mettre les commandements en marche, désirer que ça nous habite abondamment. Pour que nous soyons les paroles de notre Seigneur, parle au travers de nous et nous donne à choisir la bonne part, à prendre la bonne décision. Nous sommes ensemble, n'est-ce pas? Je vais devoir vous donner un de mes témoignages derniers qui s'est accompli avant que je me retrouve ici à Douala. Je vais vous dire quelque chose. Et j'ai des témoins. Dieu a permis que ça soit un jour vraiment merveilleux pour que mes vrais témoins là viennent. Pendant que je parle, ils sont présents. C'est le Seigneur qui a voulu ça comme ça. Je vais vous raconter mon petit témoignage. Un des jours où nous étions dans cette même maison, ici, un frère qui est ici présent avec moi, on passait souvent la soirée, on priait, on jeûnait. Et je vais trahir un petit secret là-dedans. On avait pour habitude, quand on était à la maison, on dit que le serviteur du Seigneur a cette habitude-ci. Les gens viennent, Dieu l'utilise pour résoudre leurs problèmes. Mais nous qui sommes à côté, là, on attend des choses vraiment qui soient contraires. Chaque fois, on faisait ces choses-là toujours derrière, on parlait de ça. Mais un jour, nous étions ici, en train, on avait pris un programme, on priait les nuits de prière. Son serviteur était assis juste à côté. Il a dit, vous deux là, je suis en train de voir une bosse vous monter au niveau de la donne. Mes filles, vous ne travaillez plus assez dur. On a compris. Pour moi, j'ai dit, ah, si la bosse monte et que je ne peux pas travailler, mais si je suis fini. Bon, on a pris à cœur. Comme ça, chacun est rentré. Le lendemain, on est allé commenter là-dessus. On a dit, mais. Toi, tu vois que pour que le Seigneur nous donne quelque chose, il nous montre plutôt le danger. Bon, de toutes les façons, c'est fait. On a pris ça comme ça. Attention, ça fait au cours de la semaine, normalement, chacun de nous tâtait pour voir si ça va venir brusquement. Donc, on était attentif pour voir que, bon, comme il a dit, parce que c'est comme ça, et très souvent, ça peut sortir comme ça, 2, 3 jours, 4 jours, une semaine, ça s'accomplit. Mais cette fois-ci, non, ce n'était pas comme ça. Une semaine est passée. Il n'y avait pas de signe. Bon, on a mis ça de côté, on a avancé. Pour moi, on a fait presque 8 mois. Un soir, je rentre, je sens une douleur. Quelque chose d'anormal. Et sur la même position dont il nous avait dit. Je suis rentré vers mon frère, j'ai dit, la façon c'est qu'il sent l'affaire, c'est peut-être ce que le serviteur du Seigneur nous a dit là peut arriver. Lui aussi me dit, j'ai senti un truc comme ça, mais c'est passé. Il dit, ah, bon, il ne m'a pas aussi passé. Mais quelque temps, ça persistait. Chaque fois, ça persistait. Donc si je fais des travaux un peu pénibles, je sens mal. Je ne m'intéressais pas à ça. J'étais confiant et j'étais tranquille. Ça fait comme ça, ça allait progressivement. Quand j'ai commencé à la peinture, je n'arrivais même pas à grimper les escaliers. Mais je ne disais à personne. Je laissais ça comme ça. Un moment venu, ça m'empêchait. Donc, la peinture, vous passez toute la journée debout. Quand je travaille peut-être 2 heures de temps, j'ai les difficultés pour marcher. Mais je ne dis à personne. Je laisse ça là. J'ai avancé jusqu'à ce que la foi est née à la Sainte-Sainte. On a pris la Sainte-Sainte. 2 jours après, un miracle a commencé. J'avais dit, j'ai commencé à uriner avec le sang. Ma douleur était là. Mais ce n'est pas la douleur qui m'a effrayé, mais j'ai d'abord réfléchi que peut-être j'ai mangé la Sainte Seine, le repas du Seigneur sans discerner. Et cela, il m'a frappé, parce que ce n'est pas normal. Sur rentrée, j'ai réfléchi d'abord sur mes propres voies. J'ai regardé qu'est-ce que j'ai fait quelque chose, j'ai touché quelque chose qui peut irriter le Seigneur. J'ai fouillé, je n'ai pas vu. J'ai dit que non, ça ne peut pas être la Sainte Seine. J'ai quand même pris mon courage. Je suis resté comme ça jusqu'au soir. Je suis encore allé uriner, c'était devenu rouge. J'ai appelé donc mon frère, je lui ai dit, mais quelque chose d'anormal est en train de m'arriver. Mais toi, quand tu pisses, c'est comment? Il me dit, c'est rouge. En fait, c'est pour lui était jeune. Il a dit, c'est rouge. Et cru que bon, comme ça ne peut pas être, ça ne peut pas être quelque chose de mauvais qui vient de l'état entre lui et moi, j'ai pris mon cas. Mais le matin, j'ai fait encore les mêmes yeux dans la bouteille, une bouteille transparente. C'était devenu le bon foléré. Je l'ai appelé, je l'ai montré, j'ai dit, mon frère, vois. Il a regardé, il dit, attends, c'est ce qui sort sur toi. J'ai dit, oui, non, ma part n'était pas comme ça. Ma part n'était pas comme ça. J'ai dit que bon, donc, c'est moi. Il dit que non, on est donc allé, il a uriné devant, que regarde, sa part n'était pas comme ça. Il dit que ah, si c'est comme ça, c'est que c'est bon. C'est que l'affaire là me regarde. Mais je ne disais pas toujours que j'ai un mal. Je suis resté calme. J'ai constaté que ça allait de croissant en fait, ça allait du mal en pire. Je suis entré dans ma chambre. J'ai dit, Seigneur, j'ai examiné ma vie, je n'ai pas vu là où j'ai fait du mal. J'ai fait quelque chose qui doit irriter ou qui t'a irrité. Mais aide-moi, parce que ici, je crois que c'est l'épreuve de ma foi. Mais j'ai confiance en toi, parce que s'il fallait que je meure, je devais mourir il y a cela longtemps. Mais si tu m'as prolongé les jours sur la terre, ce n'est pas pour que je meure, mais c'est pour que je sois un témoin vivant pour toi. Bon, je remets ma cause entre tes mains. Quand j'ai fait ça, je suis resté calme. Je me suis déplacé pour aller en Kosama, là où j'étais. Je suis arrivé à la maison. Pendant mon voyage, la douleur là vraiment persisté. Ça me faisait vraiment mal. Pendant mon voyage, je réfléchissais en recommande. Quelque chose est en train de me prendre un fort comme ça, je m'engage seulement à aller en consomme, sans réfléchir, il fallait que je reste au moins à Douala, comme ça si c'est fort, mes frères vont prier. Après j'ai dit que toi tu as toujours de mauvaises pensées. Aïe, je suis arrivé en consomme, j'ai appelé mes parents, je les ai dit que bon on ne sait jamais, quand on couche comme ça le matin, me lève toi, il ne faudrait pas que derrière vous réfléchissiez. Sachez au moins que j'ai mal ici, et depuis 4 jours aujourd'hui je pisse le sang. Donc, mais pour moi ça ne m'effraie pas, je suis tranquille. Ma mère a dit que tu pisses le sang et tu es comme ça. J'ai dit oui. Tu voudrais qu'elle soit comme ça. Elle dit que non, non, non. Elle dit que ok, je vais vous faire voir. Alors le matin venu, j'ai pissé dans une bouteille. C'était encore plus grave. Je suis allé montrer à ma mère, à ma soeur. Elle a regardé comme ça. Elle dit que ce ne sont pas les yeux, c'est le vin rouge. Je dis que tu crois que moi, je bois le vin rouge. Elle me dit que c'est sorti. J'ai dit oui. Elle crie seulement que va à l'hôpital. Je vais même te donner l'argent. Va à l'hôpital. J'ai dit. L'hôpital ne peut pas me guérir. Ici, c'est pas le foie. Elle me dit que tu vas faire comme ça, tu me dis que tu as la foi. Tu vas faire comme ça, te coucher là, mourir. J'ai dit, si je meurs, je meurs. Le Seigneur est assis sur son trône. Voilà mon mandat. Alors après, j'ai appelé mes parents, je les ai fait voir. Chacun m'a regardé comme ça. Tu dis, tu es bien. Tu es bien. Je dis, je suis vraiment bien. Après 2 jours, j'ai pris mon jeûne, le temps que je devais prendre devant le Seigneur, je me suis engagé dans le jeûne. La douleur était toujours là. Pendant le jeûne, j'allais uriner, ça faisait comme, ça changeait de couleur, en fait, ça faisait comme le puits qui s'est ajouté sur le sang. Moi-même, j'ai regardé, j'ai vu que c'est bien grave. J'avais mes bouteilles, moi-même, j'ai examiné. Donc, chaque jour, chaque fois que j'urine, je mets dans une bouteille pour voir comment ça a besoin d'aller. L'autre c'est mieux, l'autre là c'est un peu, mais le dernier est grave, parce que ça ne ressemblait plus à quelque chose. J'ai dit bon, j'ai appelé ma petite soeur, j'ai dit vois, en fait ce que je veux que tu vois là, que demain, si je dis une chose, que ça ne soit pas comme la blague, mais que tu témoignes exactement. Après 2 jours, c'était devenu grave et la douleur était forte, bien. Je n'ai dit à personne que je ne m'inquiétais point. jusqu'à ce que j'ai encore dit au Seigneur, si n'importe quoi m'arrive, c'est que c'est ta volonté. Parce que c'est toi qui tiens le pied de la mort et du séjour de mort. Si tu acceptes, la mort va m'amener. Mais si tu ne l'acceptes pas, je n'irai nulle part. Si tu ouvres le séjour de mort, je vais entrer. Mais si tu fermes, je ne peux pas entrer. Cette même nuit, il est venu, il m'a dit, ça s'est arrêté. Je reviens à moi-même. En journée, je réfléchis. Le matin, je réfléchis. Je dis, mais c'est bien lui. Il m'a dit que c'est arrêté. Je vais voir. Après ma prière, je suis allé uriner. Quand j'ai uriné dans la bouteille, c'était propre. Il n'y avait plus rien. J'ai dit que merde. Oh mon Seigneur, je sens seulement que tu veux faire des merveilles. J'ai déposé une bouteille. Après, j'ai encore eu le désir de l'aimer. J'ai cherché une autre bouteille. J'ai encore mis, j'ai déposé. C'était, en fait, ça allait. Et Max, mon père dit que c'est fini. Le sang s'était arrêté. Et j'étais normal. Mais la douleur était encore avec moi. Alors, le lendemain, la douleur était toujours là. J'ai fait 3 jours avec la douleur et ça allait encore vraiment plus fort. J'ai même pensé, ce que j'ai dit à mes parents, que certainement j'aurais la haine. Et c'est ça, certainement. Le 4e jour, j'ai commencé à raisonner parce que véritablement, il y avait un flux de noix qui m'attendait, il fallait presser. Ça demande beaucoup d'énergie. J'ai dit, ah Seigneur, la fin si, il faut vraiment que tu m'aides. Aide-moi. Je suis entré dans ma chambre pour réfléchir. Je réfléchissais que bon, comme il a permis à son serviteur, à Douala, de voir et de nous dire, ça veut dire que la grâce, la guérison est aussi entre ses mains. Parce qu'il ne fait rien pour rien. Donc c'est mieux que je paye le transport. J'arrive à Douala. Pendant que je méditais comme ça, il m'est venu dans la pensée. L'écriture. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens, qu'on impose les mains en loignant Dieu. Le malade sera guéri. Il a dit, bon, ça vient comme ça, où est donc les anciens? Les anciens sont tous à Douala, d'après ce que je connaissais. Mais je me suis souvenu que mon père est assis à côté de moi, mon père est dans la maison avec moi, il craint Dieu. Il s'efforce. Pour marcher comme Dieu demande. Il dit, mais c'est un ancien. Je suis allé réfléchir pour aller à Douala comme ça. Pourtant, un ancien, là, l'écriture n'a pas dit chercher quelqu'un qui connaît l'écriture. Si craindre Dieu, c'est déjà une bonne chose. Alors, je vais aller le voir. Je suis sorti, je l'ai trouvé assis au salon. J'ai dit, papa, la fesse qui me fait mal, qui me paralyse comme ça, en train de me dire, pourtant, tu es un ancien, tu es assis là à côté. Le Seigneur dit qu'un ancien impose les mains. Il prie. Le malade va guérir. Je sais que tu crains Dieu. Impose donc les mains, tu pries, me dis que est-ce que j'ai fait des choses comme ça? Je ne connais pas comment ça se fait. Il dit que non, ce n'est pas ça. Le véritable problème, c'est que prie. Il a dit, viens, je suis venu, il a dit, c'est où? J'ai dit ici. Voici comment il a dit. Guéri, guéri, guéri au nom du Seigneur Jésus. Amen. Tu t'es lu, c'est ça. Il dit que merde. On te dit. pour moi. Je m'attendais qu'il prie bien. Mais la façon qu'il a posé la main, quitté sur ça d'un seul coup, j'ai dit, hey, je voulais nous reprendre, mais prie bien. Mais je ne sais pas, quelque chose m'a retenu. J'ai dit, mais la prière, c'est la prière. C'est ce qu'il dit au Seigneur venant de son cœur qui nous intéresse et non la façon dont il a fait. Alors, je suis rentré dans la maison, j'ai pris ma Bible, j'ai commencé à travailler là-dessus. Quelques 30 minutes après, j'ai constaté que la douleur me quittait. J'ai constaté que la douleur me quittait. J'ai réfléchi que mais, j'ai bougé le pied et senti que hey, c'est en train d'aller. Je me suis levé pour aller faire un tour dehors et voir si vraiment c'est en train d'aller. J'ai fait véritablement un tour, j'ai contourné la maison. La douleur avait temporisé. Je suis revenu, je dis que papa, peut-être l'affaire là, ça avance facilement, hein, plus que ce que je peux imaginer. suis rentré, j'ai continué dans ma lecture jusqu'au soir. Le lendemain, le fût de moi m'attendait. Mon petit frère, mon cadet qui l'a dit, grand frère, tu ne peux pas. La façon que te vois depuis le jour tu traînais le pied là, laisse, je vais m'arranger, maman et moi et ma petite soeur, on va aller. Ne t'inquiète pas, laissons que le jour se lève. Le jour s'est levé, je me suis réveillé du lit, je suis allé prier comme d'habitude. Je suis levé, j'ai bougé le pied. Où ça a été en forme. J'ai pris la route, je suis allé en brousse. J'ai constaté, j'ai bien marché sans problème jusqu'en brousse. J'ai passé le fil du noir, je suis entré là-dedans. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, achevé, retiré. La douleur était partie, la guérison était installée. La question c'est, qui fait ça et comment il fait? Il faut le connaître. Au champ, il n'y avait que du tantique. J'ai donc fait mon témoignage au petit fils. J'ai dit, mais il savait comment je marchais. Dis que, bien sûr, ça m'a guidé. Une seule chose m'a aidé, la confiance envers mon Dieu. Parce que je le connais. Je le connais par la grâce qu'il m'accorde. Et chacun de nous devait le connaître. Et c'est pendant la brousse, dans nos louanges, qui m'a enseigné ces paroles. Qui est vrai. Quiconque se confie en lui de tout son cœur, il sera pour un consul. C'est exactement ça qui s'est accompli. Il dit, si vous gardez mes paroles et mes paroles demeurent en vous, je me ferai connaître à vous. Les dons spirituels ne sont pas donnés pour le monde. C'est pour garder ses enfants. C'est pour qu'il y ait n'importe quel problème au milieu des enfants, lui-même il agit. Mais maintenant, peu parmi nous ont compris ça. Peu parmi nous acceptent et admettent que lui, on doit souffrir pour que Dieu se glorifie. Pendant ce moment, j'ai vérifié, j'ai baladé mes regards dans les paroles. Vous savez, le livre Job, c'est bien-aimé du Seigneur, a été éprouvé. Vraiment éprouvé. Mais quelle était sa consolation? Quand le Seigneur l'apparaît, il ne dit pas, ouais, Job, tu souffres, hein, mon fils. Oh, Satan t'a trop traité. Non. Voici sa consolation. C'est terrain comme un vaillant guerrier. Et je te pose des questions, tu me réponds. Voilà sa part de consolation. Mais il était content. Parce qu'il avait déjà compris la parole. Nous aimons, nous acceptons les bonnes choses du Seigneur. Nous pouvons nous pas aussi accepter les mauvais. Déjà, il ne fait rien de mauvais parce que tout ce qu'il fait est bon. Donc, qu'il te châtie, c'est bon. Qu'il te console, c'est bon. Il bénit. Il a béni Pharaon, nous connaissons ça, n'est-ce pas? Il a béni Pharaon avec la main rouge. Ce n'est pas une malédiction. Il l'a béni parce que Pharaon a dit, bénissez-moi avant de partir. Il a dit, il était béni à la mer. C'est comme ça avec notre Seigneur. Quand nous connaissons sa façon de fonctionner, on ne doit pas s'agiter. On ne doit pas être effrayé parce que l'obstacle ou l'épreuve est au-devant de nous. Mais on doit s'égarder. On doit avoir confiance en lui. Regardez l'épreuve de l'apôtre Paul. Quand on le lapidait à Éphèse, on l'a bien touché. On savait qu'il est mort. On l'a traîné pour aller jeter hors de la ville. Quelle était sa consolation? Paul, je suis avec toi, ne crains rien. Il n'a pas regardé ses douleurs, ni ses peines. Parce que pour Dieu, la mort n'a pas de nom. La mort n'a pas de nom. C'est pour les humains que la mort a le nom. Parce que ça nous effraie. On a peur. Mais quiconque connaît le Seigneur et marche dans ses voies, se confie en lui, ne craint rien. Parce que c'est lui qui élève et c'est lui qui rabaisse. C'est lui qui fait vivre, c'est lui qui fait mourir. Si tout est en son pouvoir, la dernière parole est la partie. Mais maintenant, on devrait veiller dans notre conduite. Parce qu'il y a des choses qui nous attendent qu'on ne peut pas connaître. Mais Dieu nous donne à comprendre ce qu'on a à comprendre et on marche avec cela. Amen. La foi et ses œuvres. La foi doit avoir ses œuvres. Et s'il y a les œuvres, la foi doit être là, les deux. Pour nous, les saints, on devrait autant plus s'appliquer à vivre la foi par ses œuvres et à prouver notre foi par les œuvres. Si on aime le Seigneur, si on le craint, on ne doit pas être effrayé. Parce que si le mal entre dans la maison, on couvre les marabouts, les charlatans nous racontent n'importe quoi, on croit, c'est parce que le monde entier ne veut pas souffrir. Mais en fuyant la souffrance, ils entrent au plus profond de la souffrance. Sortir les dépasse. Sortir les dépasse. Voilà, quand tu dis que Dieu t'a aidé pour résoudre mes problèmes, tu couches le marabout enlève un, il met quatre. Il a installé son commerce. Chaque fois tu viens, il gère tout doucement. Il te dit, va me chercher 100 000 5 francs. Tu vas avoir 100 000. Venu me donner, il dit qu'il n'y a pas 5 francs, ça va chercher 5 francs. Tu vas tourner comme ça, la mort va te prendre en route. Parce que tu voulais le vite faire. Parce qu'on n'a pas d'espérance avec le Seigneur. C'est parce qu'on ne se confie pas en Dieu de tout son cœur. Et c'est parce qu'on n'a pas compris aussi que quand le Seigneur nous fait quitter le monde, ce n'est pas pour entrer dans la gloire. C'est pour apprendre à le connaître. C'est pour le découvrir jour après jour. C'est ce que le Seigneur attend. Quand il nous fait quitter le monde, il dit sortez de là. On sort avec la saleté. Et il lave. On marche avec lui, il lave. Tout doucement. Tout doucement. Tout doucement. Plus il lave, plus on sent le poids nous quitter, plus on s'attache à lui. On s'attache à lui. Une chose encore de plus merveilleuse, c'est que quelle qu'en soit l'épreuve qui peut se présenter devant les saints, souvenons-nous du jour où Dieu nous a fait grâce. Chacun de nous a reçu de Dieu la grâce qui ne l'a pas invoquée. Nous sommes d'accord. Personne ne l'a prié, il a agi. Ce jour-là, qu'est-ce qui s'est passé? Et aujourd'hui, ne pourrait-il pas te voir comme il t'a vu le premier jour? Ne sait-il pas que tu es dans le besoin comme le premier jour? Il le sait. Mais c'est parce qu'on a un cœur qui oublie les merveilles et s'attache à la foule. C'est pourquoi, quand Dieu agit, il t'a guéri aujourd'hui. Tu vis, tu es à l'aise. Demain, l'autre t'attrape. Tu oublies toi clairement, complètement que Dieu m'avait aidé. Tu commences à chercher la solution à gauche, à droite, en laissant le Dieu tout puissant à côté. C'est mauvais pour nous les saints. Ça n'aide pas les chrétiens à croître dans la connaissance du Dieu. Mais gardons dans notre cœur le premier jour de notre rencontre avec Dieu. Et n'oublions jamais cela. N'oublions jamais la première grâce qu'il nous accorde. N'oublions, faites tout, mais n'oublions pas l'autre aussi. Parce que c'est ça le pilier de la foi. C'est ici la force de l'homme dans la marche avec le Seigneur. Tu avances, tu constates que ça ne va pas. Tu te souviens. Je vous ai donné mon témoignage et je continue dedans parce que le jour où il m'a dit lève-toi et rentre, ça a résolu tout. Ça veut dire je pouvais sauter là pour mourir samedi parce que je savais que je ne pouvais pas mourir. Et chaque fois que j'ai n'importe quel problème, je me souviens seulement que s'il fallait que je meure, je devais mourir là. Si je vis, Dieu ne fait rien pour rien. J'ai une mission à accomplir. Et je vais attendre la mission. Je vais attendre la mission. Alors, quand je suis coincé, j'ai ma première réflexion. Seigneur, tu vois tout et tu sais tout. Ce qu'il me reste à faire, c'est de veiller que le doute n'entre pas dans mon cœur. Parce que dès que le doute s'installe, tu changes de direction, tu changes de pensée, tu commences à raisonner autrement. Et ça coince bon nombre de saints. Dieu ne bénit pas seulement avec le matériel. Dieu ne bénit pas seulement, ne donne pas seulement la santé. Il peut te bénir aussi avec la souffrance. C'est la bénédiction. Mais chacune des choses qu'il fait a un but. Si on regarde dans les Écritures, ce ne sont pas seulement les méchants qui meurent, on les enterre. mais les justes aussi meurent, on les enterre. Les gens qui aiment Dieu à fond souffrent vraiment et Dieu les regarde, ils ne parlent pas. Alors on attend pas, on ne doit pas chercher Dieu quand on a la santé ou quand on est content. À tout moment, on attend la souffrance. Si on regarde dans Actes des Apôtres 6-7 là-bas, quand on lapidait Étienne, Étienne aimait Dieu, non? Il était rempli de son esprit, non? Dieu a bougé un doigt. Il a laissé, on l'a lapidé. Il dit, Étienne, je t'aime, mais je laisse te lapider. On l'a bien touché, il est mort. On a pris Jacques. Dieu aimait Jean, non? Quand on est allé couper sa tête, ça dérangeait le Seigneur. Il ne voyait pas, mais il a laissé. De fait. Ou Pierre, quand on l'a gardé, il ne s'est même pas attendu pour prier. Il a mis, il s'est couché là, après le sommeil, pardon, le sommeil est venu dormir. Il a trouvé bon de le délivrer, il le délivre. Donc Dieu aime, il laisse dans la souffrance. Il aime, il délivre dans la souffrance. Pour nous, ce qu'il nous faut, c'est lui faire confiance dans le bien comme dans le mal. Déjà qu'il n'y a pas de mal à Dieu, car tout ce qu'il fait est pas bon. C'est nous qui voyons le mal parce que notre chair refuse. Mais nous devons admettre que tout ce que le Créateur a fait est parfait. C'est bon. C'est bon. Maintenant, il y a la sœur Tabitha, Dorcas, maman Dorcas, là voilà, elle est assise. Dieu l'aimait vraiment. Il a laissé qu'elle tombe malade, que les saints imposent le nom, prient, qu'il ne guérit pas. Jusqu'à ce qu'elle entre dans la mort. Dans la mort. Dieu l'aimait. Elle était irréprochable. Elle avait les bonnes œuvres. Elle avait la foi. Mais il l'a laissée. Consciemment. Donc, les saints ne devraient pas être des personnes qui raisonnent Dieu. Qui sont plus sages que Dieu. Qui peuvent dire la façon dont Dieu devrait se conduire, faire au milieu d'eux. On peut être dans un milieu sans miracle. Sans, je ne sais, les révélations extraordinaires. Mais le peu qu'on a, on garde, cela plaît au Seigneur. Ça nous plaît. Le peu qu'on a, on garde, ça nous plaît. Tout ce qu'il veut, c'est que s'il y a un peu en nous, un peu que nous avons entendu, un peu que nous avons appris, un peu que nous avons vu, que cela nous donne à lui faire confiance en toute chose. Parce que s'il fait le miracle, ce n'est pas pour plaire aux yeux des gens, c'est pour attirer à lui les cœurs. Et s'il ne fait pas de miracle, c'est toujours pour attirer à lui les cœurs. Parce qu'il y a ceux qui disent, si je ne vois, je ne crois. Il y a ceux qui entendent et croient sans avoir vu. On peut voir ça partout dans les Écritures. Quelqu'un comme Nathanaël dans ce Jean chapitre 2, le Seigneur ne l'a adressé que la parole. Avant que tu ne quittes là-bas, j'étais. En fait, le mot, c'est que voici un juif en lequel il n'y a point de faux. Il dit, hey, d'où me connais-tu? Il dit, avant que ton frère Philippe ne t'adresse la parole, je t'ai vu. Il a dit, tu es le roi d'Israël. Il n'a pas dit un roi, tu es le roi. Il dit, mais seulement comme ça, tu y crois. Viens, suis-moi. Tu vas encore voir plus que ceci. La parole a suffi de conquérir son cœur. Les autres ont besoin de voir un pied tordu comme ça. Dieu fait, oh, oh, ça va. Pour qu'ils puissent croire. C'est toujours bien. Mais attention, on devrait garder le petit que Dieu a donné. Parce qu'il dit, si vous êtes fidèle en peu de choses, je vous donnerai des grands. Ça veut dire, commence à donner les petits. Il ne donne jamais les grands pour donner les petits. Il donne les petits pour donner les grands. Alors si tu as conservé le petit qu'il t'a donné, sa voix que tu as entendue, la grâce qu'il a accordée à une personne, toi tu as vu avec les yeux, il te donnera encore plus grand que ça. Et qu'il te donne, c'est pour ajouter ton amour en vie, pour que tu t'attaches à lui, pour que tu saches que tu es un bien aimé. Tu sais que tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu et Dieu porte un regard favorable. Alors chacun de nous devrait résoudre dans son cœur de plaire à Dieu. Seigneur, je veux te plaire. Je veux te connaître davantage. Ça devrait être notre prière. Je suis, tu m'as fait entendre ta voix, tu m'as fait connaître que tu existes. je veux davantage, s'il te plaît. Aide-moi donc à te plaire. Aide-moi à te connaître. Aide-moi à entrer dans ta connaissance. Matin, midi, soir, où que nous soyons, si nous présentons nos prières ainsi au Seigneur, il est bon pour nous accorder ce que nous lui demandons, parce que ce que nous demandons, c'est selon sa volonté. Sa volonté, c'est que tous ses enfants lui plaisent. Tous ses enfants entendent sa voix, que tous ses enfants croissent dans sa connaissance. Voilà, toutes les grâces, toutes les merveilles, les trésors des cieux, c'est pour ceux qui le craignent. Alors, pour que ceci vienne en nous, véritablement, on doit voir devant nos yeux deux choses. La première, c'est la crainte du Seigneur. Parce que la crainte du Seigneur, c'est haïr le mal. Si on haït le mal, ça veut dire qu'on a sa crainte. Et maintenant, la seconde chose, c'est avoir son amour. Si on l'aime, on est heureux, on est déterminé à tout faire. Si quelqu'un manque d'amour du Seigneur dans son cœur, ne réfléchissons pas. Il n'y a pas un endroit où on vend l'amour. Il n'y a pas un endroit où on creuse ça au sol. C'est lui qui donne. On vient à ses pieds, Seigneur, je veux t'aimer. Je veux t'aimer. Donne-moi à t'aimer. Ça n'est rien quand on présente la prière, parce que ce n'est pas comme Seigneur, je veux l'avion, je veux la voiture pour mettre le poids dessus. C'est facile, mais c'est le plus précieux trésor. C'est les prières que Dieu agrée. Seigneur, je veux t'aimer. Donne-moi ton amour. Donne-moi. J'ai besoin de cela. Parce que si on a son amour, on saura comment se conduire en veille. On saura. Si on hait le mal, on va prendre garde. On aime le Seigneur, on ne veut pas l'hériter. On ne veut pas faire quelque chose qui ne lui plaît pas. La motivation de notre cœur sera pure. On ne doit pas lui présenter n'importe quelle prière et n'importe comment. Mais on va l'adresser des prières, des supplications avec beaucoup de respect. Si on regarde Genèse 18, la façon que Abraham intercédait pour son frère Lot, la façon qu'il présentait ses supplications, c'est merveilleux. Il dit que le Seigneur ne s'irrite point. Donc il parle tout, mais il veille à ce que sa parole n'irrite pas le grand roi. Il veille. Il ne prie pas parce que Dieu a dit que Dieu l'a appelé son ami. Parce qu'il a préparé un veau tendre là-bas, le Seigneur a mangé, il peut parler n'importe comment. Non, il craignait. Il avait quelque chose en lui. Il pouvait l'adresser les paroles. Mais il dit que il veille d'abord sur ce côté. Que mon Seigneur ne s'irrite point. Permets que je parle encore. Il parle. Le gars va dire, j'ai osé. Mais que mon Seigneur ne s'irrite, parce qu'ici, il a un besoin. Ça brûle. Ça brûle ici. Mais ce n'est pas parce que ça brûle qu'on va s'envoler, qu'on va parler n'importe comment. Non. C'était avec la crainte du Seigneur et l'amour de Dieu. Il aimait Dieu. Il ne voulait pas dire. C'est cela qui nous est donné pour modèle. On devrait avoir ça pour modèle. Pour modèle dans la foi. Marcher de la manière que nos grands frères, nos papas ont marché. En gardant les mêmes principes. N'est pas dit parce qu'on veut dire. N'est pas prié parce qu'on a entendu qu'on prie. On devrait formuler ses prières. On devrait connaître comment présenter les prières. Des supplications. Je le dis parce que nous avons hérité cela dans les dénominations. Dans les dénominations, on prie jusqu'à ce qu'on tape son pied comme ça. L'autre dit tcha tcha tcha tcha tcha. Oh, tu demandes. C'est à Dieu. Il adresse ses paroles. Tu crains, parce que ceux qui connaissent le Dieu là, se rabaissent, descendent, chaque jour ils vont en bas, parce que notre Dieu n'est pas comme des idoles, n'est pas une pensée, n'est pas des imaginations, ni des suppositions, il est vivant, Et c'est le roi. Il n'est pas un roi, c'est le roi. C'est le roi. Il n'est pas un père, c'est le père, notre père. Il n'est pas un dieu, il est Dieu. Dieu. Donc s'il y a d'autres dieux, ils nous ont appris qu'à celui-ci. C'est lui le roi. Et si nous, devant les chefs, devant les... Déjà, si le président se tient là, il tend sa main que venez me saluer, chacun va d'abord se reculer. Vous dites, il n'a que tendu la main, il ne fraye pas. Dis, toi là, viens me saluer. Tiens, le président m'a appelé. Tu crains le président. Je vais dire, tu honores le président. Mais le Dieu qu'on devrait craindre, honorer dans toute sa grandeur, c'est lui qu'on adresse les prières comme on veut, quand on veut, de la manière qu'on a choisie. Non, bien-aimé, dans le Seigneur. Soyons sages dans le Christ. Parce que là, tout le monde, c'est pour que nous devenions sages et ne rien négliger. S'il a plus au Dieu vivant d'ouvrir la bouche et de prononcer une parole, cela a du prix à saisir. Et nous devons considérer ce qu'il a donné. Considérer dans toutes ses données, dans toute sa forme, considérer. Quittons le raisonnement. Nous lisons la parole, ce qui nous a été donné. La première des choses, c'est qu'on la vit. Il plaise souvent au Dieu vivant. Tu te lèves le matin, tu lis un verset, tu fermes ta Bible, tu sors. Tu ne sais pas avec cela. Ça, quelque chose t'attend ici au carrefour Henri là. C'est là-bas que le verset là doit s'accomplir. Tu arrives là. Ça te coince comme ça, tu te souviens que j'ai lu ça à la maison le matin. Suivant, tu ne te souviens pas, tu pêches bien là-bas, tu ne penses pas à ça. Gâteau. C'est à la maison que tu. Mais si tu cherches quelque chose, tu vas là, regarder. Tu constates que tu avais mis en garde avant que tu ne sortes. Mais c'est parce que tu n'as pas pris garde que tu allais tomber là-bas. Alors, s'il donne une parole, il ne donne pas au hasard. Il donne pour que tu vives avec. Tu vives avec ça. Et c'est comme ça que nous devons connaître, parce que sans vous mentir, dans le Seigneur, la Bible que nous avons amenée ici n'a rien de chanel. Ça ne vient pas sur la terre. Ça vient du ciel. Pas des cieux seulement, du ciel, le trône de Dieu. C'est saint, mais l'être qui le porte là est chanel. C'est pur, mais l'être qui porte là est impur. Mais Dieu a voulu comme ça. Mais quiconque entre ici avec l'esprit d'en haut peut comprendre et peut garder. La façon dont on prend, on considère, tu le considères de la manière que Dieu approuve sa vie. Sa vie. Ce que tu as lu ici a la vie. C'est pourquoi Dieu, notre Père, dit il faut croire. Pour que la chose avance. Crois, quand tu y mets ta confiance. Les mondains lisent ça. Les marabouts, tu arrives chez le marabout, il sort la Bible. Mais pour lui, ça n'a pas la vie. Parce que sa confiance, il n'y est pas. Il n'a pas compris que c'est l'esprit qui vit ici. Il n'a pas compris que c'est la nature d'en haut qui est là, qui veut former l'homme. L'être humain avoir les mêmes natures. Quand on dit les saints, c'est ça qui. C'est ça qui transforme, qui rend saint. Et pour être saint, c'est en gardant ce qui est écrit ici que tu deviens saint. Donc tu deviens, tu as la nature de ce qui est écrit ici. Alors on devrait autant plus, bien aimé, considérer la Bible. Ne pas lire parce qu'on veut lire. Ne pas lire parce qu'on ne veut pas avoir de mauvaises pensées. N'est pas lire parce qu'on veut entrer dans la connaissance littéraire, mais lire parce qu'on veut que tout de l'écriture et habite ici. Lire parce que tu veux qu'il quitte là pour habiter ici. Et chaque fois, quand tu es engagé, une épreuve vient pour débarrasser ce qui est à l'intérieur, pour faire habiter ce qui est peur, ce que tu as lu ici. On devrait prendre garde la façon de lire les Écritures. Si on comprend une seule fois que Dieu s'est donné sur la terre par la Bible, chacun devrait aimer sa Bible. Parce que ce qui est là, c'est ça qui nous donne la vie. L'évangile nous donne la paix, n'est-ce pas? L'évangile est où? Dans la Bible. Tu lis, tu comprends, tu as la paix. Si je lis quelque chose, je comprends, ça me donne la paix. Un peu. Ça veut dire que si j'avance, ça croise aussi. Plus j'entre dedans, plus je suis heureux. L'écriture commence à vivre véritablement. Véritablement. Donc tu peux avoir ton problème. Tu cours pour aller examiner les écritures, interroger les écritures. Il te donne la réponse. Quand il te donne, il s'attend à ce que tu mets cela en pratique. Il s'attend à ce que tu mets cela en pratique. À l'heure même où l'épreuve est au-devant de nous, ce n'est pas facile. Rien ne m'est pas venu. Parce qu'on a la grâce du Seigneur qui est pour nous, qui repose sur chacun de nous. Mais il faut que cette grâce parle de croissance en croissance jusqu'à la maturité. Il faut. Et je vais vous dire encore quelque chose. Le désir du Seigneur, c'est que l'homme puisse vivre sans être attaché au physique, au toucher. Voir pourquoi. Si ce n'est pas comme ça, c'est vivre, admettre la marche de la foi. Si on regarde, nous pouvons commencer à lire. J'ai déjà assez bavardé, n'est-ce pas? Prenons un peu Genèse pour nous voir. Genèse au chapitre 12. Commençons à voir quelque chose là-bas. Je vous dis ça, tous n'est-ce pas? On va lire à partir du premier verset. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Dans le pays que je te montrerai, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Et je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Verset 3, je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en ton nom. On va s'arrêter ici. Ça, c'est le premier homme que Dieu a béni hors d'un système. Père Abraham. Il le fait quitter de la maison de son père. Là où il y avait les rites, les traditions, culte du monde, il le fait quitter. Il appelle hors d'un système pour l'enseigner. Ce qui est bien et merveilleux, c'est que, un, on n'a pas, l'écriture ne montre pas que Dieu l'a parlé. Nous sommes d'accord. On dit, Dieu l'a dit, c'est la parole. Premièrement, la voix de l'esprit. L'esprit l'a dressé la parole, comme Jean. Chapitre 10 nous dit, mes brebis entendent ma voix. Et Dieu l'a adressé la parole. Deuxièmement, il dit, va dans un pays que je te montrerai. Il n'a pas dit, voilà un pays. Pendant la marche d'Abraham, quand Abraham quitte la maison, la première des choses qui nous montre, c'est qu'Abraham a obéi. Nous sommes d'accord. On peut lire le verset 4. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Voilà ce qu'il a fait. Il a entendu la voix. Il a obéi. Il devrait partir. Selon nous. Parce que c'est dit dans le pays que je te montrerai un autre jour. Il est parti. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Parce que le Dieu qui adresse la parole n'est pas un Dieu qui réfléchit. Il connaît. Quand il dit quitte, il a déjà la solution. Dans le mot quitte, la solution est dedans. Et on peut regarder encore ça dans ce même, c'est l'épreuve devant le Seigneur Jésus. Il a dit, allez-vous laver. Il n'a pas dit comment, ce qui va se passer. Il a dit, allez. Ce qu'il attendait, ce qu'ils obéissaient, se sont tournés pour partir en route. c'était donné. Il y avait la guérison. C'est la même chose ici parce qu'il il dit à Abraham, va, va-t'en de ta nation, de la maison de ton père et va dans le pays que je te montrerai. Abraham est allé comme ça. Il se rend compte seulement qu'il est arrivé dans ce pays sans le savoir. On remarque ça. Il est arrivé sans le savoir. La marche par la foi. Il ne voit pas pourquoi il obéit. Alors, Jean au chapitre 8 peut bien parler des œuvres d'Abraham. Si vous étiez fils d'Abraham, vous ferez les œuvres d'Abraham. Si vous étiez ses fils. Il a dit si. Ça veut dire que ses fils ont des choses que Abraham a fait. On trouve ça en Abraham. Tu regardes, qu'est-ce que Abraham a fait? Abraham a entendu la voix de l'Esprit. Il a obéi. Il marche sans poser de questions. Jusqu'à ce qu'il arrive à la terre promise. Et remarquons encore quelque chose. Aucun verset ne mentionne qu'Abraham a cru en Dieu. Dans le chapitre 12 là. Nous sommes d'accord, non? Il n'y a nulle part qui dit Abraham a cru en Dieu. Je vais dire crois pour lui obéir. Parce qu'on dit crois pour obéir. Il a seulement obéi. Il s'est engagé. Il n'attendait pas un miracle. Il n'a pas attendu un miracle. Il n'a pas attendu un signe extraordinaire. Il a obéi. Ce que Dieu attend, c'est l'obéissance. Il avance. Il avance. La seconde fois, Dieu l'apparaît pour le fortifier. Pour le fortifier. Pour faire comprendre que je n'étais pas adressé la parole seulement d'abord. Je suis avec toi et je contrôle tes pas. Il avance. En avançant, il avait son problème à lui. Et Dieu n'avait pas fait ça au hasard. Parce que chaque problème que Dieu permet, c'est pour sa gloire. Sa femme était stérile. Il n'avait pas d'héritier. Il était, sa richesse est avec lui. Mais ici, il sait que bientôt je vais quitter la scène. Et je n'ai personne. Et Dieu a permis ça parce que par là, c'était pour sa gloire. C'était pour donner à Abraham à comprendre que l'être qui t'adresse la parole n'est pas un Dieu qui pense. Ce n'est pas un Dieu qui réfléchit. Il a la solution. Il connaît avant que tu ne l'adresses. La deuxième fois qu'il apparaît à Abraham, c'est la fin du chapitre 13 là. Quand il se sépare avec l'autre, il se présente encore là une seconde fois. Le verset 14, si on lit à partir du verset 14, il se présente encore devant Abraham, c'est pour le fortifier. Maintenant, là où on doit arriver, c'est dans, jusqu'ici, ce que je veux qu'on remarque là, la deuxième fois qu'il apparaît, il n'y a pas de confiance. Abraham, rien ne dit qu'Abraham a cru. Dieu. Il faut que obéir. Parce que là, il le dit, regarde, tiens-toi là, regarde au nord, au sud, de l'Occident à l'Orient, au midi, va et marche sur la terre, cela te sera donné. Il ne dit rien, il obéit. Il avance seulement, comme on lui a adressé la parole. Mais contrairement à nous aujourd'hui, ce n'est pas facile, parce qu'on va raisonner. Si une voix somme là, on va dire, qui es-tu? On va chercher à connaître la voix. Maintenant, regardez dans le chapitre 15. Le chapitre 15. Il apparaît encore à Abraham. Il entre, il commence à s'entretenir avec lui. Et pendant qu'il s'entretenait, Abraham avait son problème ici. Il ne disait rien. Mais il fallait que le Seigneur touche la chose. Il commence à comprendre que l'être avec qui je suis là n'est pas n'importe qui. Le Seigneur commence à adresser la parole. On peut lire, n'est-ce pas? Après ces événements, chapitre 15, c'est la quatrième fois comme ça que Dieu se présente à Abraham. Hormis de la portion de Melchizedek, c'est la quatrième fois qu'il apparaît comme ça. Ok, maintenant, lisons Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit, « Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. » Abraham répondit, « Seigneur Éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison est Élisée de Damas. » Et Abraham dit, « Voici, tu ne m'as pas donné de postérité et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. » Donc son véritable problème c'est que il savait qu'il vient tu vas quitter, il n'a pas d'héritier et son âge le fait comprendre que même si tu veux faire n'importe comment, un homme à 75 ans ne peut pas plus avoir d'enfant. Il se tient devant le grand roi. C'est la première fois que l'écriture montre que Abraham s'est entretenu. Donc, remarquez, quand il a prié, il a obéi, il avance, il le fortifie, il ne le laisse pas. Et c'est la même chose avec chaque chrétien que Dieu appelle, chacun de ses enfants. Chaque enfant que Dieu appelle, c'est pour marcher avec lui. Il s'attend à une chose, l'obéissance. C'est ici qu'on échoue. Parce que Dieu, d'adresse la parole, tu lui résistes. On résiste très souvent au Seigneur. Quelqu'un commence, Dieu t'adresse la parole, il dit quitte ça. Et que je vais quitter, que je vais encore faire quoi? Je vais m'en sortir comment? Quand il dit quitte, il ne sait pas que c'est. Tu te sers de ça pour vivre. J'ai pensé à un merveilleux frère, le frère Gabin. Quand il a cru, il s'est fait baptiser. Il avait un cybercafé. Là où on va faire les. Quand il croit, on le fait baptiser. La parole lui fut adressée ferme. Quitte d'abord cela. Que Dieu soit loué. Il a fermé. Directement. Il est venu. Il ne connaissait plus quoi faire ni comment s'en sortir. Mais chose qui m'a plu, c'est qu'il a fermé. Il a obéi. Quelque temps, Dieu lui a donné ce qu'il faut. Il se plaît là-dedans. Dieu voudra qu'il serait là un de ces jours. Il se plaît là-dedans. C'est lui-même qui me dit, mais si on pouvait toujours obéir à Dieu, c'est qu'on est heureux. Il dit, mais il fallait résister. Il fallait raisonner comme si Dieu ne nous connaît pas avant de nous adresser la parole. Alors, ce que Dieu attend, c'est quand il dit quitte, tu quittes. C'est ce qu'il attend. Non, n'allume pas, mon frère, ça va amener les affaires à plein. Voilà, merci, ça va amener. Alors, ce que Dieu attend, c'est quand il dit quitte, quitte d'abord. Ne lui pose pas de questions. Il sait déjà de quoi nous avons besoin. Il peut nous donner sans qu'on ne lui demande. Mais il a sa façon à lui. Il est souverain. Il est roi. Il décide sur ce qu'il veut. Et ça va marcher. Alors Abraham l'a seulement obéi. En route, il le fortifie. Mais tu n'es pas seul, je suis avec toi. Et nous tous, il fait la même chose. Chacun de nous sait au moins ces choses. Qu'il le fait. C'est nous qui résistons, pas lui. C'est nous qui sommes les problèmes, pas lui. Il revient un autre jour pour s'entretenir avec Abraham. Il savait exactement ce qu'Abraham avait besoin. Il reste là s'entretenir. Abraham lui ouvre le cœur. Tu ne peux pas prier conformément Dieu si tu ne le connais pas. Tu ne peux pas l'adresser conformément tes prières, tes soupirs si tu ne le connais pas. Abraham le connaissait déjà. Alors il pouvait ouvrir son cœur. Dieu attendait ça, il savait. Alors on continue la lecture. Le verset 4. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. il lui dit, et il lui dit, quelle sera ta postérité. Le verset 6 commence comment? Abraham eut confiance. Abraham eut confiance en l'Éternel. Et ça continue. Qui lui a justice. Il a agréé sa foi. Bien aimé. Ce que Dieu attendait d'Abraham, qu'il tourne sa confiance vers lui. Il dit ta foi, mais agréa. Il a agréé sa foi pour lui donner. Comme à nos jours. Il peut te donner son Saint-Esprit. Parce que ta foi lui est. Dans la réalité, on ne croit pas pour avoir le Saint-Esprit. Mais on obéit à Dieu. Dieu agrée ta foi, t'accorde grâce d'habiter en soi. On ne demande pas le Saint-Esprit. On ne force pas Dieu pour prendre le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, ce n'est pas un objet ni une couronne. Parce que tu as cru, tu vas avoir le Saint-Esprit. Ce n'est pas ça. Parce que j'ai la Bible, j'ai le Saint-Esprit. Parce que je lis, parce que je jeûne trop, j'ai le Saint-Esprit. Ce n'est pas comme ça. Le Saint-Esprit, c'est la personne de Dieu. Il t'agrée, il habite chez vous. Avec toi. Il faut qu'il agrée ta foi. Alors, s'il agrée ta foi, il habite en toi, il se charge de te conduire. On ne peut pas vous forcer d'habiter dans une maison que vous ne voulez pas. Nous sommes tous d'accord. Si on attrape quelque chose, on dit, tu vas habiter ici, ça va te plaire. Tu habites là où ton cœur te plaît d'y être. C'est comme ça dans la vie de chaque chrétien, c'est pourquoi l'appel, il sanctifie, il travaille. Il sanctifie, il t'appelle, il te nettoie tout le soir, jusqu'à ce que tu es propre. Il t'accorde le privilège d'être avec lui pour toujours. Dieu a créé la foi. Donc chacun de nous devrait s'efforcer à dire, Seigneur, je t'en supplie, agrée ma foi. Agrée ma foi. Si on regarde, allons un peu dans Actes des Apôtres. Oh. Acte des Apôtres, le chapitre 10. On va regarder quelque chose là. Nous y sommes. Vous avez cru. Vous avez été baptisé du Saint-Esprit. Tout le monde, quand il dit j'ai cru, j'ai le Saint-Esprit, j'ai. Il dit, on dit le Saint-Esprit. Comme s'il s'agissait de quelque chose, d'une couronne ou d'un objet ou d'un vêtement. Et j'ai le Saint-Esprit, j'ai. C'est toi qui possèdes le Saint-Esprit. J'ai le Saint-Esprit. C'est terrible. Le monde nous a conduit dans l'erreur, n'est-ce pas? Ils nous ont bien tourné la tête là. J'ai le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, t'a où tu l'as. Quand il habite en toi, tu ne fais plus ce que tu veux. Tu ne penses plus comme tu veux. Tu ne marches plus comme tu veux. C'est lui qui te gouverne. C'est lui qui te gouverne. Il te possède. Il dit, j'ai agréé ta foi, tu m'appartiens. Alors, il peut t'adresser la parole. Va comme ça. Tu crois seulement, c'est plus ta volonté. Monte, tu montes. Mais quelqu'un dit, j'ai le Saint-Esprit. Non, il devrait changer cela. On doit le prononcer. Le Saint-Esprit, on ne peut pas dire j'ai le Saint-Esprit. Parce que c'est la personne de Dieu. C'est la personne de Dieu. C'est Dieu habitant en toi. Quand il habite en toi, Jean chapitre 3 avec Nicodème, le Seigneur dit que ceux qui sont nés de nouveau sont comme le vent. Il veut dire, si tu veux comprendre les nés de nouveau, regarde le vent. Tu vas mieux comprendre là-bas. À quelle heure Dieu donne ses recommandations au vent? Quelqu'un a déjà vu à quel moment il lui dit. Tu es comme ça, tu vois le vent en train d'aller au nord. Qui, à quel moment il a dit va au nord? Sinon, il est en train d'aller au sud. Il tourne, Personne ne sait à quel moment il lui adresse le commandement. Or, ils sont en train de le servir. C'est exactement comme ça, mais né de nouveau. C'est pourquoi on ne peut pas comprendre la tête. Il est clair. Très suivant, on est en face d'un né de nouveau. Il dit quelque chose. Il peut te dire, t'annoncer une prophétie. Ça ne s'accomplit pas. Ce n'est pas qu'il est faux. C'est que quelque chose s'est passé que tu ne peux pas comprendre. Mais comme on n'a pas compris, on laisse la bouche nous aider à pécher contre notre chair en bavardant. Quelqu'un, Dieu, dans sa souveraineté, peut faire connaître à ce frère-ci que tel a un problème. Annonce-lui. Il peut te dire que voici. Pas derrière, il a compassion. Le même Saint-Esprit lui donne la compassion pour toi. Il intercède sur ce qui devrait t'arriver. Et ça ne t'arrive pas. N'ayant pas connu la voie de l'esprit, tu viens dire que voilà, le frère, il avait dit telle chose allait m'arriver. Ce n'est pas arrivé. Tu viens de te moquer de Dieu parce que lui, il n'y a rien. C'est Dieu qui l'a ordonné. Ça condamne encore l'esprit. Ça nous lance encore dans le trou. C'est pourquoi au préalable, je vous ai fait comprendre mon témoignage. Si véritablement, je le dis au nom du Seigneur, si je n'avais pas connu de la bonne manière, moi aussi je pouvais parler. Parce que quelqu'un lui dit que quelque chose va t'arriver. 8 mois plus tard, ça vient. Comment quelqu'un peut connaître 8 mois. Et ça pouvait ne pas arriver. Mais ça ne te donne pas à ouvrir la bouche et bavarder. Ça te donne à rendre grâce à Dieu et dire merci pour tout ce que tu fais. Parce que véritablement, ceux qui sont nés de nouveau, on ne peut pas le comprendre. On ne peut pas le comprendre. Mais si tu es de sa nature, tu peux le saisir. C'est pourquoi les nés de nouveau peuvent se comprendre. Ils comprennent le langage du terre. Mais ceux du dehors, ils ont qu'à murmurer. Alors on devrait prendre garde. Comme Proverbe au chapitre 13 l'a dit. Que celui qui veille sur sa bouche préserve son âme. On devrait veiller sur notre bouche. On devrait connaître Dieu. Véritablement. Parce que la vérité, c'est que si tu connais Dieu, tu peux écouter les paroles de son serviteur. Et tu prends garde. Parce qu'il a dit, et il ne peut pas revenir là-dessus. Celui qui vous écoute, m'écoute. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Celui qui m'a reçu, a reçu le Père. Donc si tu reçois le serviteur du Seigneur Jésus, tu l'as reçu. Et si tu le repousses, tu l'as repoussé. Tu murmures contre son serviteur, tu as murmuré contre le Seigneur Jésus-Christ. Alors, c'est parce qu'on ne connaît pas le Seigneur qu'on peut le comprendre. La vérité, c'est que connaissons le Seigneur. Quand on le connaît, un serviteur est devant nous. Cela nous a été donné d'éprouver. Pas éprouver avec des mauvaises pensées. On n'éprouve pas en allant le challenger. Le même Dieu te dit, qui est-elle? Il te fait son identité. Tu as la science. Si demain, il dit une chose, ça vient. Il dit, ça ne vient pas. Cela ne te dérange pas. Parce que tu connais qui l'a établi au service. Et tu es tranquille. On devrait prendre garde. On devrait prendre garde. N'est-ce pas, mon frère? On devrait prendre garde dans notre marche avec le Seigneur. Je dirais encore de ces jours, dans toujours mon témoignage, lorsque je l'ai rencontré, lui, le frère Junior, j'ai fait peut-être 2 ou 3 séances à Lopon. Un jour, je me suis levé le matin. J'ai dit, oh Seigneur, toi tu es autrement. Tu m'envoies vers quelqu'un. Je pars. Et tu restes calme. Tu ne me donnes pas à savoir que lui, tu es d'accord avec le lieu où je me trouve. Comment tu veux que je me sente? Je l'ai dit chez moi. C'est comme ça. Quand ça me sonne dans la tête, là, je bavarde seulement. Je le dis au nom du grand rocher des âges, le crucifié Seigneur Jésus-Christ. Je suis arrivé à l'assemblée le même soir. Il m'a répondu devant tout le monde comme ça. Devant tout le monde. Qu'est-ce qu'il cherche derrière? C'est pour que tu sois tranquille. Que tu vois le rouge, que tu vois le blanc. Souviens-toi qu'il est d'accord avec le lieu que tu te trouves. Je pourrais vous raconter exactement l'événement qui s'est passé. Pendant la journée, un événement qui s'est produit. En fait, j'étais encore motoman. Je chassais encore un peu les gitans. Parce que j'aimais bien ça. Alors, j'ai transporté deux jeunes filles qui m'ont irrité. Quand je les ai transportées, ils se sont mis à raconter comment ils se sont baptisés et puis sont allés en boîte de nuit. J'ai failli les massacrer. La colère m'a pris en otage. Je me tourne, je dis, merde, les gens se connaissent même ce qu'on appelle le baptême. Des affaires que nous, on a longtemps désiré, on n'a pas pu. Aujourd'hui, vous avez vous joué avec. Je me suis tourné pour les reprendre. Mais elles étaient tellement engagées dans leur conversation à ce que je me suis tourné une fois. Cela m'est encore venu. Je me suis tourné une seconde fois. Ils étaient toujours engagés. Bon, j'ai dit, ah, bon, ça c'est. J'ai conduit, j'ai accéléré pour aller les laisser pour qu'ils me tirent sur les oreilles. Bien aimé, en soirée, je vous le rassure, quand vous quittez la maison, n'allez pas pour un homme. N'allez pas voir un homme. Allez pour Dieu. Quand j'avais cette habitude, quand je quitte la maison, j'entre d'abord, je dis, Seigneur, tu sais que je ne pars pas. Je parle pour toi. Alors, tout ce que je parle, c'est pour toi et je veux rien que toi. Je me lève, je pars. Je suis arrivé ce jour-là, comme on dit, merveille. J'avais un endroit que j'aimais bien m'asseoir. Mais ce jour-là, c'est comme si on m'a envoyé chez un autre endroit. Je suis allé là m'asseoir. Et je priais dans mon cœur, j'étais tranquillement assis, je réfléchissais en priant. Son serviteur est sorti, commençait à nous saluer, saluer comme il a pour habitude. À un moment donné, il dit, ah, il y a quelqu'un qui m'a dit ici. Il dit, il avait cette habitude de nous contrôler chacun. Il dit, bon, je vois, ça va. Quand il y a, vous savez comment on fait un peu le monde guérir, non? La plaise au Seigneur, il le montre que voilà un intrus au milieu de toi. Forcément, il doit toujours connaître. Même s'il ne t'adresse pas la parole, il sait exactement de quoi il va dire. Alors, jusqu'à un moment, il dit, mais il y a quelqu'un qui m'a dit, oh, flashé, lève-toi. J'ai encore dit, merde, on me prend encore toujours. Il dit, oui, raconte alors, raconte. J'ai dit, mais je ne sais pas, je vais raconter quoi. Il dit, en journée, telle chose, c'est, et tu as bien fait ce mouvement deux fois, exactement ce que j'ai fait. Tu as fait ça deux fois, n'est-ce pas? Je dis, ah, oui, alors ça me revient. Je commence et rassurez-vous. Une grosse glace comme ça était présentée devant mes yeux. Mais quand j'étais encore Chanel, c'est entré dans le sang. Ce n'est pas ça qui est très important. Ce que je vais dire, ah, mon cœur fait boum. Je me suis souvenu de ma prière le matin. Seigneur, pourquoi tu m'envoies à quelque part, tu ne me fais pas connaître que tu es d'accord avec moi que ce soit là-bas? A-t-il répondu? Il a dit que je suis d'accord, j'ai les yeux. Ah, j'ai dit merci mon Seigneur, merci roi, merci Père. Je suis tranquille. On pourrait marcher 10 ans, 20 ans. Tous peuvent diaboliser. Chacun peut dire ce qu'il pense, peut raisonner. Mais une chose est vraie. C'est que celui que Dieu a honoré, il l'a pour. Amen. Il l'a établi. Il l'a établi. Donc c'est à nous de prendre garde pour ne pas pécher contre Dieu. Parce que l'homme n'est rien. C'est Dieu qui fait son œuvre dans le tabernacle qu'il a choisi. D'accord? Prenons garde. Mais faisons confiance au Dieu vivant. Quand nous quittons à la maison, prions. Dites, exprimez votre cœur devant le Dieu du ciel et de la terre. Il n'a pas de limite. Il n'y a pas un mur qui l'empêche d'entendre. Il ne cherche pas à se tenir là debout comme ça pour que tu parles face à face, tu vois sa bouche murmurer, pour que tu sais qu'il parle où il a entendu. Mais jamais. Toute l'existence. Il contrôle, il entend, il voit tout, il n'a pas de limite. Tu vas avant de l'implorer, il est devant toi. Alors on devrait avancer. Voilà des piliers qui m'ont toujours donné la force dans la foi. Je ne pars nulle part parce que j'ai décidé de partir. Je ne fais pas ça. Même quand j'ai décidé, j'entre d'abord dans mon secret. J'ai dit, Seigneur, là où je pars avec toi. Si tu me laisses, je suis fichu. Mais sois avec moi afin que tout ce qui se passe, que je puisse voir et que j'entende ce que tu veux que j'entende pour avancer. Quand je fais ces prières, je m'en vais. S'il y a n'importe quoi dehors, ça c'est pour vous. J'avance. Je vous le rassure au nom du Seigneur. Je ne parle pas de ce que j'ai appris. Je parle de ce que j'ai vécu. Et si je vis, je peux le témoigner. Le Dieu du ciel m'en est témoin. Tout ce que je dis, c'est la vérité. Alors, dans la foi, on devrait s'enraciner sur Christ, le Seigneur. Au départ, ça allait être difficile. Mais quand vous prenez déjà plaisir, quand le goût, la saveur vous est donnée, vous ne pouvez plus vous détourner. Et les vents, les pluies, les tempêtes ne peuvent vous déraciner. On ne peut pas t'aider à murmurer. On ne te dira pas, on ne te poussera pas à dire ce que tu ne veux pas. Au contraire, tu vas prendre garde. Quand ça ne va pas, tu dis que je connais là où vous aurez ma main. Avancez, moi je viens. Plus tard, on avance en bavardant, plus tard on dit, si je savais, si je savais, dit, vous m'avez traversé au cas où, à mon avis, je ne peux plus vous aider. Et c'est trop tard. C'est pourquoi bon nombre dans notre génération vont faire ce qu'on appelle le blasphème contre le Saint-Esprit. Parce qu'on parle du Saint-Esprit à tort et à travers. Tant ça nous plaît, comme on veut. Puisqu'on a vu telle chose, on parle. On a entendu telle chose, on raisonne. On va finir par le heurter. Et si on le heurte, on l'a heurté. L'Écriture nous enseigne que si un homme a un problème avec un autre homme, Dieu défend. Nous sommes d'accord. Et si l'homme a des problèmes avec Dieu, qui peut plaider sa cause? Ça ne servira à rien de se rabaisser sur Dieu. Mais ça, c'est mieux de se rabaisser que Dieu nous aide. Amen. J'ai parlé de Actes au chapitre 4, 10. On va regarder, il s'agit là d'un homme qu'on appelle Corneille, un centurion romain. Le premier païen, d'après la Bible, qui est entré, qui a reçu de Dieu son esprit, que Dieu a agréé la foi. On va vérifier quelque chose d'abord. Il y a une petite parole que nous allons vérifier pour voir ce que le Saint-Esprit a mis. D'accord? Lisons. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centurion dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignant Dieu avec toute sa famille. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. On va s'arrêter ici. Corneille était un Romain. Nous sommes tous d'accord. Il n'est pas juif. C'est les juifs qui connaissaient Dieu. C'est les juifs qui faisaient des rites que Dieu a ordonnés. C'est des juifs qui étaient très proches de Dieu. Mais celui-ci est un centurion romain qui est venu dans le pays des juifs et qui s'est trouvé bien là-bas et qui s'est attaché à leur Dieu. Un Dieu dont il a des choses à son sujet sans l'avoir rencontré. Mais ce qui est bien, c'est que le Saint-Esprit rend de lui le témoignage. Un, qu'il craignait Dieu. Un, qu'il était pieux. Deux, qu'il craignait Dieu. Ça veut dire qu'il se détournait du mal. Il se détournait du mal. Trois, il faisait beaucoup d'aumônes. Beaucoup d'aumônes au peuple. Quatre, il priait Dieu continuellement. Donc, il avait appris que Israël est le peuple de Dieu, le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, qui a donné les commandements et les lois par Moïse, dont tous les prophètes ont pour coutume de parler, d'annoncer, de dire, et sans mentir, certainement, il vivait la colère ou la joie, les bénédictions de Dieu dans le pays. Vas-tu faire ce que ça ne va pas, Dieu te frappe. Il voit. Alors, il s'est mis à prier. il cherchait continuellement la face de Dieu. Continuons le verset 3. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille, les regards fixés sur lui et saisis de foi, il répondit, qu'est-ce que c'est? Et l'ange lui dit, tais, criez, tais, les aumônes sont montés devant Dieu et il ne s'en est souvenu de Il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un centenier Simon. Non, oui, merci. Il est nommé chez un certain Simon Coréeur, dont la maison est près de la mer. Maintenant, on s'arrête encore ici. Je me tiens là, je poserai une question. Pierre a le Saint-Esprit, comme on le dit, nous sommes d'accord. Donc, Pierre est habité du Saint-Esprit, c'est Dieu. C'est le même Dieu qui envoie l'ange chez Corneille. C'est le même Dieu, l'ange, c'est le même Dieu qui donne les ordonnances, les prescriptions. Corneille, fais ceci. Ne pouvait-il pas directement dire à Pierre que va chez Corneille? Il le pouvait. Ne pouvait-il pas transporter Corneille, il le fait rencontrer Pierre? Mais regardons comment le Seigneur agit, sa façon à lui. Il prend plaisir à ça. Il s'arrange, du haut dessus, il envoie l'ange. L'ange part, il vient là, il laisse. Les hommes s'élèvent. Waouh, chez Pierre. On le cherche là-bas. Pendant qu'on le cherche, pendant qu'on est en train de le chercher, le Saint-Esprit dit, c'est moi qui les ai envoyés. Ah, ça c'est merveilleux. C'est moi qui les ai envoyés. Descends et tu pars avec eux. Un seul Dieu. Regardez les tours qu'il prend. Il prend plaisir à sa façon à lui de résoudre le problème. Alors, on devrait encore tirer la leçon ici. Nous, les saints, on devrait craindre Dieu. Il a sa façon à lui. Il a ses manières qu'il choisit. Si on se confie à l'homme, si on a choisi peut-être que c'est le frère François qui va faire ceci pour moi, ou tel pasteur, c'est nous qui avons choisi. Ce ne sont pas les voies de Dieu. On devrait laisser Dieu choisir par qui il va agir et de la manière qu'il va agir. Ce qui est bien, comme j'ai dit tantôt, si tu es devant l'épreuve et l'écriture surgit dans ton esprit, mets l'écriture en pratique. Parce qu'il sait comment il va le faire. Tantôt dans mon témoignage, j'ai dit comment je réfléchissais pour venir à Douala pour qu'on m'impose les mains. L'écriture est venue dans mon esprit. J'ai dit, ah, mais mon père est là. Je suis allé vers mon père. Et la guérison a été donnée. Donc, il pouvait me guérir. Le jour où il m'a dit, telle chose va t'arriver, ce même jour, il pouvait donner la solution. Ça ne m'arrive pas. Il l'a réussi. Ce qu'il attendait derrière, c'est la persévérance et la confiance en lui pour qu'il fasse éclater sa gloire par qui il a choisi. Vous me suivez? Les saints devraient avoir la pensée de Dieu. On devrait le connaître. N'aie pas choisi les voies par lesquelles. En allant, on dit, oh Seigneur, si tu veux même pas ton serviteur, tu vas agir. L'enfant peut être à la maison avec toi, tu souffres. Dieu passe par cet enfant qui donne la solution. Sans se tordre. Il peut faire exactement ce qu'il a fait pour l'unique éthiopien. Il peut transporter Philippe, que va loin là-bas, sur la route du désert, et guérir mon serviteur qui est là. Il peut le faire. Il peut faire encore ce qu'il a fait avec Élie. Il peut envoyer le corbeau. Le corbeau que va nourrir là. Et le corbeau fait, il ne change pas. Quand on dit le Seigneur, notre Dieu, ne change pas, ce n'est pas dans les miracles ni dans les prodiges. Dans toute sa nature, son être, il ne change pas. Ce qu'il a fait hier, il peut le refaire aujourd'hui, même plus. Mais Il nous a donné un cap. Il y a pour nous, il y a pour lui. Nous faisons pour nous, il fait sa part. Mais seulement, nous faisons, nous n'avons pas encore fait pour nous, mais on s'occupe de sa part. On commence à raisonner. Et ça ne nous aide pas à croître dans la foi. Ça ne nous aide pas à croître dans la foi. On devait prendre garde. Connaissons notre Seigneur, marchons en chantant avec lui, et non en murmurant, et non en raisonnant. Jamais. Loin de nous. Amen. Avançons. Nous avons remarqué dans le passage que Corneille, lui, il était un Romain. Il était étranger dans le pays Israël. Il n'était pas ceux à qui toutes les grâces coulaient, comme on le dit. Il n'était pas juif. Il était un étranger. Il a adopté la tradition juive. Il s'est trouvé bon là-bas, premièrement. Il s'est soumis au Dieu d'Israël, de ce peuple. Il lui obéissait en se détournant du mal. Et sa foi le donnait à faire beaucoup de monde. Pas réellement, si tu as cru, tu ne peux pas t'attacher sur les choses de la terre. Tu ne peux pas avoir à ta portée ce qui plaît, aidera ton frère, tu traînes pour le lui donner. Parce que ta foi, la foi que Dieu, la foi véritable, qui est faite dans la base de l'amour, te donnera à exercer la nature du Seigneur Jésus-Christ, la miséricorde, la compassion. Ça devrait nous habiter. Alors lui, l'Écriture montre qu'il avait cette nature-là en lui. Il pouvait faire beaucoup de monde. Il pouvait le faire. La foi et l'Esprit. Sa foi, c'est qu'il craint Dieu. La crainte de Dieu n'est pas physique. On ne peut pas regarder quelqu'un comme ça, on peut voir quelqu'un qui craint Dieu. Mais les œuvres dites de lui, dans le témoignage, qui en lui habite la crainte. Les œuvres en témoignage de lui, en lui, en cet homme-ci habite la nature de Christ. Ça habite cette nature-là. Alors, l'ange lui a parlé des prières des aumônes. C'est ce que l'ange lui dit. Faites des prières et des aumônes. Donc, c'est plusieurs. Il n'a pas fait une fois. Il faisait. En fait, c'était sa nature. Il vivait cette vie-là. Donc, il marchait avec ça en lui. Il ne pouvait pas résister. Et le Saint-Esprit a rendu de lui témoignage. Et il ne s'arrêtait pas là. Il priait Dieu continuellement. Et quand il priait Dieu, il avait un seul désir. Donc, toutes ses prières tournaient seulement sur une seule chose. C'est pourquoi l'ange, Dieu, en les osant, dit, va chercher Pierre, qui te dira les paroles par lequel tu seras sauvé. Donc, ses prières étaient que, Seigneur, sauve-moi. Sauve-moi. Donc, en vérité, il voulait dire, Seigneur, agrée ma foi. Je suis un étranger au milieu d'un peuple qui te craint, qui a tes lois. Agrée ma foi. Il mettait les paroles de Dieu, les commandements en pratique. Il soupirait que Dieu puisse l'appeler. À la fin, un jour qu'il ne s'attendait pas, un jour qu'il n'imaginait pas, un jour qui n'était jamais venu dans sa pensée, il allait continuellement faire son travail comme il le faisait. Subitement, quelqu'un est arrivé. Il a dit, j'agrée ta foi. J'agrée ta foi. Comme il a agréé sa foi, il va te donner son cachet, le sceau, son esprit. Il va mettre ça sur ton torse. Tu vas partir. Alors, ce n'est pas seulement ça que je vais. Avançons encore. J'ai dit, on devait remarquer ici, il a dit tes prières. L'ange lui a dit, tes prières. Nous sommes d'accord. Tes prières et tes aumônes. Nous supposons tout simplement que ce que Dieu, l'ange vient de le présenter, c'est ce qu'il demandait, n'est-ce pas? Donc c'était comme ses prières, ce qu'il faisait. Ok. Mais on va encore regarder, on va descendre encore un tout petit peu pour regarder là à côté quelque chose d'autrement. Permettez-moi que je retrouve. Cherche quoi, Flashy? Ce que Pierre raconte quand il rentre. Chapitre 11. Voilà, j'y suis. Là, on va dire verset 8. Six hommes étaient avec lui. Elle est 8 à 18. La seconde partie qui lui présente le prière là, que je quand il rentre de chez Corneille, oui, puisqu'il explique deux choses, c'est au chapitre 11. Lui, tout juste à partir du verset 1 en avançant. Chapitre 10, c'est exactement ça. On lit ensemble, n'est-ce pas? Corneille dit, il y a 4 jours, à cette heure-ci, je priais dans ma maison à la 9e heure, et voici un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi et dit, Corneille, ta prière a été exaucée, et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. L'ange, regardez dans le verset 10, là, dans le verset 5, dans le verset 5, l'ange a dit que, prière. Corneille lui-même explique ici, dans le verset 31, là, il dit ta, prière. Qu'est-ce qui se passe entre tes prières et ta prière? Nous remarquons ça, n'est-ce pas? L'ange lui a dit que Dieu a exaucé tes prières. Corneille lui, il dit que ta prière. En effet, ce qui est caché là, c'est que Corneille considère la prière du jour qui s'est prosterné. L'ange dit que Dieu a considéré toutes ses prières. Voilà ce qui est caché là. L'ange, Dieu lui considère toutes ses prières. Mais Corneille a cru que c'est la prière qu'il a présenté le jour là que Dieu l'a exaucé. Non. Alors on devrait voir encore que le Seigneur ne met rien dans les Écritures au hasard. Chaque chose qu'il a cachée, s'il enlève un S, il ajoute, il a une raison. Et on devrait veiller pour comprendre. Dès que tu commences à comprendre, tu comprends que toutes les prières des saints ne passent point en vain, même si Dieu ne réagit pas. Ça devrait donc donner à chaque saint de prier avec persistance, avec chaque jour, insister, avec instance dans les prières. Parce que rien de ce sur qui le nom du Seigneur est invoqué ne passe inaperçu à ses yeux. Si maintenant, nous qui sommes ses enfants, son nom est invoqué sur nous, pas vrai? Le jour où on te baptise, on dit au nom du Seigneur Jésus, on t'enlève. Maintenant, à partir de là, tu marches en invoquant le nom du Seigneur. Tu fais du nom du Seigneur ton bouclier. Et chaque jour, on le prie. Il reste calme. N'entend-il pas? Ne voit-il pas? Ne connaît-il pas? Pourquoi il ne réagit pas? Il a son dessein. Il a sa volonté. Le conseil et sa volonté. Alors, si nous, étant ses enfants, avons de l'intelligence ou bien des oreilles pour entendre, comme il a dit, on devrait prendre garde à ne pas vivre avec Dieu selon notre pensée, selon notre manière, selon notre, les conseils de notre raisonnement, mais on devrait prendre garde à vivre selon le conseil de sa volonté. Ce qu'il a décidé de faire, c'est ça qu'il doit vivre. On devrait prendre garde. Le conseil de sa volonté lui a dit que bien que j'habite en pierre, je vais envoyer mon ange, je connais. Connais va envoyer ses vieux. Cherche-le, chercher là-bas. Quand ils vont arriver là-bas, je vais lui adresser la parole. Il va avec eux. Il va aller. Quand il va arriver, il va commencer. Je vais faire ce que je veux. Le conseil de sa volonté. Donc, étant saint, étant fille du Seigneur Jésus-Christ, étant fils du Seigneur Jésus-Christ, on devrait prendre garde au conseil de la volonté de notre Père. Notre Dieu est dans le ciel. Il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Si tu es juste, tu es juste pour toi. Si tu es pécheur, tu es pécheur pour toi. Rien n'ajoute sur sa gloire et rien ne peut retrancher. S'il veut, il fera que l'existence ce qu'il veut. Mais il a choisi de laisser un libre arbitrage aux hommes. Un tout petit pays, il dit que c'est le libre arbitrage que je t'ai donné. Utilise ça pour me chercher, pour me donner une place dans ton cœur. Alors, disons-nous, nous-mêmes, nous ne vivons pas selon notre raisonnement, selon les on a dit, selon ce que le monde pense, mais nous vivons selon le conseil de sa volonté, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le crucifié. C'est celui-là qui est notre Seigneur et notre Dieu. Alléluia. Oui. Prenons donc chacun de nous dans son cœur. Si on a la foi, les œuvres doivent être à côté. Les œuvres doivent être vivantes. Et si on a les œuvres doivent être faites selon l'analogie de la foi. Les œuvres doivent être faites selon l'analogie de la foi. Parce que notre Dieu, notre roi, on ne le trompe pas. On ne le flatte pas. On ne peut pas le raisonner. Il ne peut pas dire, oh Seigneur, j'ai fait telle chose à cause des affaires, moi ceci. Non. C'est selon l'analogie de la foi. As-tu fait ça pour sa gloire ou tu as fait pour qu'on sache que toi, tu es sur la terre? C'est d'abord la question. Si tu as fait pour sa foi et pas la foi qu'il t'a donnée, c'est cela qui lui est agréable. Ces aumônes-là, tout ce que tu fais est devant ses yeux. N'attends que le bon jour pour faire venir cela en face. Comme pour Corneille, il rendra certainement témoignage. Et quand il rend témoignage, il doit sceller. Et comme il a scellé, tu deviens comme le vent. On ne comprend plus rien sur toi. On ne comprend plus rien sur toi. Parce que ta loi ne vient pas de la pensée humaine, ni du raisonnement. Non. Pendant que tu dors, il met la loi sur ton cœur. Ce que tu as fait sur ton cœur, tu te lèves, tu oublies ce mot. Pendant que tout le monde court pour descendre, toi tu es tranquille sur ta position, tu attends sa volonté. Si tu montes, pendant que tout le monde descend, toi tu montes. On peut voir la même chose avec Abraham et son frère Lot. Les deux ont des troupeaux, les deux ont des richesses considérables. Devant eux, il y a les montagnes qui sont très souvent désertes, il y a la plaine qui est arrosée. Le grand frère Abraham, qui avait le droit d'aînesse, pouvait dire que mon petit, avec ton troupeau là, monte à la montagne, va là-bas, même si ça veut sa vie ou sa mère. Va, pour moi je vais aller dans la plaine. Il choisit. Mais il avait quelque chose en lui, ici. La vie, la nature du Dieu vivant. Il pouvait voir au-delà de ce que l'homme charnel peut voir. Il pouvait entendre au-delà de ce que l'homme charnel peut entendre. Il pouvait connaître des choses au-delà de ce que l'homme charnel peut connaître. Lui, en lui, savait que sur la montagne, je suis là-bas, mon Dieu est avec moi. Je cultive la montagne, ça va me donner ce que je veux. J'arrive là-bas, les herbes vont pousser. Dit à son neveu choisi. Le gars dit, oh, la grâce m'a été accordée. Je descends. Il y a dit sans souci, pas. On dit, il demeura à la montagne. Vous voulez aller à la montagne. Et c'est là-bas. Le trésor était gardé. C'est exactement ainsi la marche dans la foi. Marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Quand on le connaît, quand il y a agitation, on ne s'agite pas. Ceux qui le connaissent restent tranquilles à leur place. On peut revoir la même chose avec l'apôtre Paul dans le bateau. Pendant que les flots de la mer sont en train de taper, wow, toi nous périssons, wow, il a dit, je t'aime bien mon frère. Il dit, Paul, reste calme, mais calme-moi, je suis avec toi. Et à cause de toi, tes frères là, s'ils t'obéissent, je vais les épargner. Et si quelqu'un veut qu'il saute. Pendant que c'est là, qu'est-ce qu'il donnait à Pierre, à Paul, l'assurance, la tranquillité? Est-ce que ceux qui étaient là ont vu quand est-ce que Dieu lui donnait sa loi? Est-ce qu'ils ont vu quand il le fortifiait? La chair ne voit pas ceci. Mais celui qui est là sait ce qu'on lui a donné. Il pouvait être tranquille. Il ne parle calmement. Comme vous voyez là, ne faites pas ceci. Restez calme. Dieu prisonnier qui est-il? Oh! Oui. Parce que la bouche est toujours prête à parler. On ne peut dompter la langue. Cela est facile pour vous. C'est normal. Mais lui, il savait que quelque chose s'est passé. Il est tranquille, il est confiant. Après dit, si vous m'aviez écouté, ceci ne devrait pas arriver. Jusqu'à présent, écoutez-moi et vous vivrez. J'attends dit que, parce qu'on le voyait calme et tranquille dans son domaine. Ceux qui sont nés de nouveau sont ainsi. Personne, la chair ne voit pas tant est-ce que Dieu le fortifie. Mais ils savent. La maison peut être en train de... Vous qui connaissez le Seigneur, pendant que chacun court, les autres s'étouffent. Tu es tranquille. Père, où est ma direction? Je fais comment? Il dit, reste là, ne crains pas. Tu restes. Tous ceux qui ont fui par là dehors sont droits. Quand le canon arrive, il dit, sors maintenant. Il te lève. Personne n'entend ça. Tu vois, lui, personne n'entend ça. Et ceux qui sont avec toi, qui sont des mêmes natures, ils peuvent t'adresser la parole que par là tes frères, tu te tournes, tu dis, le Père dit ceci. Tous obéissent. Parce qu'ils connaissent le grand roi. Ils peuvent discerner. Le chrétien a besoin de ceci. L'appui sur son Dieu. Et cela, comme je le dis depuis, il faut admettre qu'on doit vivre selon le conseil de sa volonté. Et non notre raisonnement. Le conseil de sa volonté est entièrement écrit dans sa parole. Nous lisons, nous la mettons en pratique pour lui être agréable, pour le plaire. De la manière qu'il a choisie, pas d'une autre manière, de la manière qu'il a choisie. S'il choisit que ça soit sucré, que ça soit amer, le problème n'est pas sucré ou amer. Le problème c'est que quelle est ta position? Si ma position est de son côté, comme ça commencer à être amer, ça va sucrer. J'avance seulement. Parce que dès le premier coup d'œil, sa position est toujours celle qui n'est pas bonne. Quand tu crois, Dieu dit, quitte telle chose, quitte. Tout le monde voit que c'est la pauvreté qui te poursuit comme ça. Tout le monde voit ça. Bien sûr, tu chassais les jetons, tu étais bien. Tu ne chasses plus les jetons. Comment tu vas souvenir à tes besoins? Comment tu vas t'en sortir? Ça ne peut pas donner. Et il a dit, quitte. Ce qu'il attend, c'est que tu quittes. Un des jours, tu constates que 2 ans s'est écoulé sans que tu n'aies d'inquiétude, sans que tu ne réfléchis que je vais faire comment? Hé, attends, je suis normal. Tu es bien normal. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah, je comprends. C'est que c'est lui qui agit. Tu te tournes, tu le rends grâce. Il faut toujours reconnaître ça. Si Dieu fait, je ne sais pas ce qui est petit pour lui, tout ce qu'il fait est grand. S'il agit, je dis un tout petit peu, jusqu'à ça dans ton oreille. Tu vois, la première chose, c'est la reconnaissance. Dis merci. Merci, Seigneur. Il laisse le reste. Sois reconnaissant. Amons-nous de la parole de notre Seigneur. Appuyons-nous uniquement sur lui et laissons-le nous conduire. Ne le résistons point. Et ne soyons pas des lâches ni des chiens. Des lâches, nous le savons tous, et demain, là où il va prendre la bonne décision. Il dit que Dieu sait tout. Je lave mes mains comme Pilate l'a fait, je quitte. Je n'ai rien contre cet homme. Mais tu avais une chose, la décision. Il a dit, libérez-le. Et s'il ne veut pas le libérer, ta déclaration a été prise en compte. Mais tu as dit que, parce que tu veux, dans ton cœur, tu veux plaire au public. Mais sur ta bouche, tu lis. Ça l'a coincé. Les chiens aussi ne sont pas seulement ceux qui rentrent sur la vomissure, mais c'est aussi ceux qui la paix. On dit que mange la parole et vis. Et les gars, le jour que Dieu me donne la force, j'obéis. Non, Dieu ne prend pas plaisir à ça. Tu prends plaisir à ceux qui mangent. Vous mangez, nous mangeons la nourriture, ça nous donne les forces. Nous sommes d'accord. N'importe qui tombe sur ce qui le plaît, la première des choses, il veut vraiment mettre sa quantité dans son ventre. On devrait faire exactement comme ça avec la parole. On devrait prendre avec détermination. Parce que le moment où nous nous trouvons là, il n'y a plus à traîner les pas. Parce que ça fait deux, si on considère, sur le calendrier aujourd'hui, ça fait 2016 ans que le Seigneur Jésus-Christ a été crucifié, enterré et monté dans sa gloire. Et depuis là, les seuls feux qu'entrer. Feux qu'entrer. Feux qu'entrer. Qui nous dit qu'il ne reste pas deux personnes seulement? Et parmi ces deux, il faut que moi, je ne dirais pas, il faut que je sois là. Non, chacun prend sa résolution à lui. Pas pour moi. Non. Il faut que parmi, s'il reste deux, que les deux là, un, ça soit moi. Et s'il reste un, non, il faut que ça soit moi. Hein, frère, donc tu me laisses derrière. Non, je n'ai pas dit. Il faut que ça soit moi. Et qu'on n'entre pas avec la honte devant notre Dieu. Le genre qui va dire entre, mais désirons ardemment cette parole de vie. Bon, et fidèle, c'est fidèle. Tu as été fidèle sur peu de choses. Entre dans la joie de ton maître. Entre dans sa joie. Donc pendant que tu es en train de marcher là, il est content. Voilà là où nos yeux devraient se porter. Que chacun de nous, c'est des jeunes maman Dorcas. Quand elle est morte, elle était couchée, elle n'avait plus la bouche. Elle ne pouvait plus rien faire. Mais ceux qui l'entouraient intercédaient par son œuvre. Voici ce qu'elle nous a, quand elle était là, elle faisait. Ça parlait en sa faveur. Ça témoignait son amour pour le Seigneur et pour les saints. Alors, portons les regards vers là. Que quiconque dit le nom du Dieu vivant invoqué sur moi. Et moi, je l'invoque, je m'éloigne de l'humilité. Je veux le plaire, je m'efforce à le plaire. En le suppliant, Père, agrée ma foi. Parce que si Dieu n'agrée pas ta foi, tu ne sais à rien. Ce que tu le fais en vain. Tu le fais en vain. Mais s'il agrée ta foi, ah, ne serait-ce qu'un verre d'eau que tu donnes à l'un de ses plus petits, il le considère. Il le considère. Certainement, tu le donneras avec amour. Tu le donneras avec amour. Mais si on se place comme dans le temple, dans ce livre de Luc, on donne nos superflus. Il dit, vous avez donné vos superflus. Vous pouvez donner plus que ça. Ce n'est pas ça qui est important à mes yeux. Cette femme, loin derrière là, n'avait rien. Elle avait ces deux petits quelque chose qui lui a valu un témoignage que nous connaissons aujourd'hui, qui sera connu dans les siècles à venir. Elle a donné de tout son cœur. De tout son cœur. C'est parce que pour pouvoir donner tout ce que tu as pour vivre, pour que tu le connaisses. Il le faut. Il faut que tu connaisses distinctement que c'est le Dieu pourvoyeur. Yahweh, Jireh, est-ce lui? Sinon, tu ne peux pas donner. Sinon, tu vas raisonner. Je vais faire comment? Je vais faire comment? Je n'ai que mes 200 balles. Si je donne, je vais m'en sortir comment? Hein? Peut-être, je ne sais où est-ce qu'elle est quittée. Le temple était loin à Jérusalem. Je ne sais pas si elle était à Jérusalem. Je ne sais pas si elle a marché à pied pour arriver là-bas. Mais elle savait que la tendité porte peu. Ce que j'ai, je donne à mon Seigneur. C'est petit pour les hommes, mais à ses yeux, c'est grand. Parce qu'il regarde ici. Alors c'est pareil pour nous. Si nous l'aimons, nous servirons ses élus, ses saints de tout notre cœur. Et tout ce que nous faisons, que ce soit petit comme ça, lui, il considère. Parce que c'est au nom du Seigneur que nous faisons ça. C'est au nom du Dieu vivant que nous faisons cela. Alors on doit s'appuyer sur lui. On doit lui faire confiance. Confiance. On doit lui faire confiance. On doit lui faire confiance. Laissez le raisonnement à côté. Admettre que sa parole nous a été donnée comme le moule. Le moule pour nous mouler et nous donner la forme qui lui plaît. Et non l'autre forme. La forme qui lui plaît. Chaque gâteau, si c'est bien, c'est beau là, ça a un moule dans lequel on l'a bien confectionné pour qu'il donne la forme là. Et c'est le boulanger qui sait la forme qu'il veut. C'est pareil avec notre Dieu. Notre Dieu du haut des cieux a dit que ce qui est pris sur la terre est corrompu, ça ne le plaît pas. Il a donné du haut des cieux son moule, qui est la parole, pour nous donner la forme qui le plaît. La forme de l'esprit avec la nature du ciel. Nous devons vivre ça. Au ciel, c'est l'amour. Au ciel, c'est l'obéissance. Au ciel, c'est la droiture. C'est pourquoi un ange se tient là, il te parle, tu veux tituber, il te dose. Il te donne ta part. Parce que là-bas, on ne raisonne pas. Ordinairement, on oublie, on avance. Il dit qu'en vous habite la rébellion. Mais le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth a crucifié tout cela à Golgotha. Il est descendu. Il est remonté chez lui. Et je vous donne ma grâce. Mes trésors, c'est pour vous. Suivez-moi. On peut regarder. Allons un peu dans Jean. Regardons le livre de Jean. Il y a quelque chose de bien. Jean au chapitre 14 là. Voilà. Nous y sommes. Ok. Dans ce Jean, au chapitre 14, le Seigneur, au verset premier là, le Seigneur dit que vous, il parle comme ça, c'est ici. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Mettez votre confiance en Dieu, mettez votre confiance en moi. Obéissez à Dieu, obéissez en moi. Parce que lui et le Père sont un. C'est à ses disciples qu'il adresse cette parole et non au monde. Avançons. Et il leur fait la promesse. Comme il dit qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de son père, il s'en va arranger, préparer une place pour lui. Quand il aura achevé, il viendra nous prendre avec lui pour qu'on soit là-bas, pour toujours. Mais on s'intéresse au petit les versets 5 en descendant. Thomas lui dit, mais Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Le Seigneur Jésus leur dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi le Père. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi le Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Ce sont ses disciples, ceux avec qui il a longtemps marché. Il a longtemps fait des la marche, il les a enseignés, il a fait des choses. Il leur dit que vous, si on le connaît, la personne qui est devant nous, on va aussi connaître celui qui l'a envoyé. Et il dit déjà, vous l'avez vu. Vous le connaissez et vous l'avez vu. Pour Philippe, c'est aller dans un sens que vraiment c'est fort. Il n'a pas saisi, il dit, bon, Seigneur, Philippe lui répondit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Vraiment, ici, il avait besoin de quelque chose de manifeste. Il voulait voir le grand roi pour que son cœur soit tranquille. Le Seigneur, montre-nous le Père. Montre-nous le Père et cela nous suffit. Le Seigneur Jésus lui dit, il y a si longtemps que tu es avec moi et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comme celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis ne viennent pas. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Le Seigneur vient de nous faire encore comprendre deux choses. Il est en train de dire que le Père est en lui. Et lui, il est dans le Père. Et il y a deux choses qu'il est en train de faire. Lui dit les paroles, mais le Père fait les œuvres. Forcément, les deux marchent toujours ensemble. La foi et les œuvres. Si tu as la parole, l'œuvre doit être. Alors, si on est véritablement saint, devant le peuple, la parole va sortir et l'œuvre va s'accomplir, forcément. Ça va s'accomplir. Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. On va encore, on continue tout doucement pour arriver à quelque part. Si je suis dans le Père et le Père est en moi, sinon croyez du moins à cause des œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Celui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai faites. Dès qu'on entend œuvre, tout le monde regarde les miracles. Nous sommes d'accord, non? On regarde les prodiges, n'est-ce pas? Pourtant, œuvre est costaud. L'amour manifeste, ce sont pas les œuvres. La bonté, ce ne sont pas les œuvres. La charité, ce ne sont pas les œuvres. Il y en a pourtant. Il y a ceux que Dieu leur donne, le don de libéralité. Ce sont ses œuvres. Si tu attends que celui-ci fait les miracles pour que tu crois, tu vas te perdre. Alors ne regardons pas surtout les œuvres, regardons cette nature-là. Parce qu'il a dit, si on croit en lui, on a sa nature. On va faire ce qu'il fait. Regardons le Seigneur Jésus-Christ. Premièrement, il est amour. Deuxièmement, il était patient. Il était compatissant. L'âme à la colère. Il n'agissait pas face. Il ne réagissait pas aux querelles, à tout ce qu'on. Non. Il avait quelque chose en lui qui le restait. Et il comprenait tous ceux qui sont là. C'est pourquoi à la croix, il peut dire Père, ne les aide pas. Quand ils font ce qu'ils ne savent pas, il le sait. Donc tout ce qu'on faisait devant lui là, il pouvait le comprendre. Il pouvait le comprendre. Alors, chaque chrétien pourrait avoir en lui cette nature. Si on garde ses commandements tel qu'il l'a dit, si on croit en lui, si on lui obéit, si on fait ce qu'il nous demande, en nous, on peut faire les mêmes œuvres. Quelqu'un peut s'acharner, tu le comprends. Et tu n'en veux pas à la personne. Parce qu'il a dit, ne donnez pas les choses saines aux chiens. Quelqu'un qui n'est pas régénéré, quelqu'un qui n'a pas la lumière, tu vas dire, ne te mets plus en colère, ne fais plus ceci. Ce que tu bavades là, c'est toi qui fais. Lui ne peut pas comprendre. Alors c'est toi à le comprendre. C'est à toi à le comprendre. Parce que c'est normal qu'il m'insulte. Tu ne peux pas la lire. Tu marches comme ça, il te dit n'importe quoi. Toi, c'est normal. Il ne peut pas faire autrement que ça. Supposons que tu as un chien à la maison qui se met à aboyer. Tu te fâches contre le chien. C'est toi qui as le problème, ce n'est pas le chien. Il va aboyer parce qu'il ne peut pas faire autrement que ça. Mais c'est toi qui as cru qu'il peut agir. Pourquoi le chien s'est aboyé comme ça? Ah, il a soif. Tu le donnes de l'eau. Ça calme son problème. Alors, l'écriture est vraie. Une réponse douce, calme la fureur. Tu es tranquille. Le Dieu a dit, c'est là. Ça marche. Tu ne t'attardes pas sur la folie, mais tu donnes la solution à la folie. Et notre Seigneur est avec nous. Ça crie ici et tu prononces. Mais si on trouve le chrétien en route, André nous dit que je crois. C'est toi qui m'as envoyé le feu. Votre chrétien, là, ça c'est pour vous, ce n'est pas la vérité. Alors, si on a confiance comme l'Écriture le déclare, nous enseigne au Seigneur Jésus, sa nature doit nous habiter. Ça nous habite. Ça nous habite. Et on va agir comme lui. Et finalement, le nom nous sera donné par ceux qui nous voient vivre. Voilà les petits Christ, les chrétiens. Et voilà, les gens qui sont comme le grand maître. On ne se tord pas. Alors, croyons tous, faisons confiance et obéissons au Seigneur en nous appuyant uniquement sur lui et sur sa parole. Devant l'épreuve, je vous rassure, on va sortir avec la victoire. On va sortir avec la victoire et sans combattre, sans réfléchir. Bah, il est clair, si nous l'avons connu, ton cœur est appliqué à la prière. Devant l'épreuve, tu commences. En fait, ton cœur intercède avant que tu ne viennes nous poser les questions. Seigneur, que dois-je faire? Comment dois-je m'en sortir? Oh Dieu, aide-moi. Aide-moi que je réfléchisse pour le genou. Faut pas dire avec ta bouche, pendant que ton cœur aussi est en train d'accepter déjà péché. Non. Je ne veux pas pécher et je ne veux pas pécher. Seigneur, aide-moi à prendre la bonne décision. Sois patient. On s'agit. Tu ouvres la bouche, tu veux parler. Tu te rends compte que même la parole qui sort en toi sort avec amour. C'est pas ça, Sarah? Ça sort avec amour. Parce que sa nature valide. Dans le livre de Esaïe, le chapitre 51, il est écrit, allons là-bas. Allons dans le livre d'Esaïe. On va encore revenir ici, mais allons d'abord là-bas. Nous y sommes, chapitre 51. Nous y sommes. Ok, je vais dire. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice. Qui cherchez l'éternel. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, vous qui cherchez l'éternel. Nous tous nous poursuivons la justice au moins. Nous tous nous cherchons le Seigneur. Donc c'est à nous que la parole s'adresse. Il dit, portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillé. Portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillé. Sur le creux de la fosse d'où vous êtes, d'où vous avez été tiré. On va d'abord s'arrêter ici. Quand il dit portez les regards, c'est comme si on fait comme ça, n'est-ce pas? Quand tu fais un monde que tu portes, tu vas porter le regard au long pour regarder quelque chose. Non. Il dit porter les regards. Ça veut dire se tourner. Se tourner pour comprendre le rocher qui est devant nous. Le rocher est le Seigneur Jésus-Christ. Nous tous nous le connaissons. Il dit que nous avons été taillés sur lui. Nous avons été taillés sur lui. Donc en vérité, nous avons sa nature qui nous habite. Le creux, là où on nous a arrêtés, donc il y a un endroit, je ne sais pas, peut-être c'est sur le bois, on a enlevé un bois ici. L'endroit là reste vide. Après, on ne peut rien mettre qui doit remplacer le bois là. Quand on va aller trouver le bois, on va venir coller là-bas, ça va rester. Il dit que on devrait revenir là-bas. Parce qu'en vérité, nous sommes venus, les saints du grand roi sont venus sur la terre pour vivre la nature de la terre. Mais la terre les a corrompus. La terre a dit qu'on ne fait pas comme ça chez nous. Mais il a dit qu'étant là-bas, vous allez vivre cette nature-là. Quand Christ est venu, il a vécu cette nature. Il est rentré. Donc tous les autres, on doit le suivre. Comment a-t-il fait? Comment a-t-il fait? Quelle était son âme? Son âme, c'était le commandement de son père. Il gardait dans son cœur le commandement de son père. Et devant chaque épreuve, le commandement, la solution au problème qui s'est présenté devant lui sortait. C'est pourquoi les docteurs de la loi pouvaient venir lui poser tant de questions. Il les rendait, il les anéantissait par les réponses qu'il donnait. Depuis sa jeunesse, depuis 12 ans, on fait ici, dose ici, dose ici. Qui lui, d'où lui vient une grande sagesse comme ça? On ne comprend rien. Oui, après les docteurs de la loi sont venus. Il les a rendus au néant. Ils ont fini par dire, comment il connaît les écritures, lui qui n'a point fréquenté. Fréquenter, c'est pour mettre ici dedans. Mais lui, ça habitait ici. Donc ça pouvait sortir n'importe quand, à n'importe quelle heure. Ça ne le surprenait pas. Il ne... J'ai cherché ma Bible pour lire un verset avant de parler. Non, c'était en lui. Parce que c'est ça, il est comme ça. Devant l'épreuve, ça sort. Cette nature, nous l'avons. Nous l'avons. Nous le fils du grand roi. C'est pourquoi on peut entendre sa voix. C'est pourquoi on peut avoir son amour. C'est pourquoi on peut le craindre. Parce qu'en nous habite déjà cette nature-là. On le connaît. Abraham n'a pas dit, qui es-tu? Bon, je prends même Abraham, mon cas, moi aussi. Quand je répondais, je n'ai jamais demandé qui il est. Je savais seulement que je suis familier avec cette parole. Et bon, je suis familier avec, je l'entends, je réponds. J'obéis. Tous chrétiens sont comme ça. Tous ses fils sur la terre sont comme ça. Et l'Écriture part plus loin. Il dit que si on n'a pas compris exactement ce qu'il dit, porter les regards vers le rocher, vers le creux là, vous avez été tiré. Il nous a donné deux personnes merveilleuses. Qu'on devrait porter les regards vers ces personnes-là. Ces personnes doivent nous indiquer ce que lui, il veut qu'on puisse faire. Nous sommes d'accord. Tout ce qu'on va comprendre ici. Avançons. Verset 2. Porter les regards sur Abraham, votre père. Sur Abraham, votre père. Qu'est-ce que Abraham a qu'il faut que ça nous habite? Qu'est-ce que Abraham a qu'on doit copier? Il a quelque chose. Le père Abraham, il a quelque chose. Pour nos sœurs, il a dit, et sur Sarah qui vous a enfanté. Sur Sarah qui vous a enfanté. Si Sarah a enfanté ses filles, c'est que ses filles ont sa nature. Nous sommes d'accord. Qu'est-ce que Sarah avait en elle? La soumission. Donc, il veut dire, les filles de Sarah, soumettez-vous. C'est aussi simple. Ici, on ne doit pas venir enseigner. Non. Puisses-tu accomplir que je viens de Sarah, je dois avoir la nature de Sarah. Et si je n'ai pas ça, c'est que l'intrus a mis quelque chose en moi. Donc la chose doit quitter pour que la nature de Sarah croisse. C'est ça qui doit briller. Nous sommes d'accord. Elle dit que Sarah a ça. Donc nos sœurs, les bien-aimées sœurs, on devrait regarder Sarah. Sarah était soumise, respectueuse. Et elle appelait son mari Seigneur. Regardez quand le Seigneur et ses deux anges viennent visiter Père Abraham. Sarah n'est jamais sortie de sa cuisine pour aller tendre ses oreilles et comprendre ce qu'on est en train de faire là-bas. Elle est restée dedans. C'est qu'elle a compris son nom est passé. C'est normal, n'est-ce pas? Elle n'a pas pour votre nom. Elle était réservée. Ce que le mari dit fait, elle s'occupe d'abord à faire ça. C'est sa conduite. Donc chaque sœur devrait avoir dans les écritures le modèle de Sarah, l'aînée. Mais si on est Jézabel, on ne peut faire autrement. Alors, et nous les hommes, on a dit Abraham. Père Abraham a quelque chose que nous devons copier, qui doit se trouver en nous. Qu'est-ce qu'Abraham avait? Qu'est-ce qu'Abraham avait? Évidemment, on va aller pas à pas. La première des choses qu'Abraham avait, c'était l'obéissance. Abraham obéit à la voix qu'il a entendue. Il avait l'obéissance, il obéissait. Ensuite, il eut confiance en son maître. Il eut confiance en lui. Même quand il a eu confiance, il a cru que le monde, c'est encore, on peut gérer. Le maître a dit, Abraham, marche devant moi et sois intègre. Il est rentré. Il a rangé ses voies. Il est devenu un homme droit, un homme intègre. La force d'Abraham, c'était l'obéissance. Il obéissait sans raison. Alors nous, frères, nous devons le ressentir. Obéir, nous devons obéir. Quand ça ne va pas, efforçons-nous. S'il n'y a pas de force, invoquons le Seigneur. Donne-moi la force, je veux t'obéir. Aide-moi à t'obéir, aide-moi à être agréable. Alors il va nous donner. Il va donner à chacun de nous. Et on pourra vivre cette vie-là. Ne courons pas pour évangéliser. Ne courons pas pour dire que nous avons cru. Ne courons pas pour montrer qu'on a la foi. Mais laissons la foi nous habiter et s'exprimer au travers de nous. Laissons la foi nous habiter et s'exprimer au travers de nous. Ça nous habite, elle va s'exprimer. Le Seigneur a dit, vous êtes la lumière du monde. Il n'a pas dit, vous serez la lumière. Il a dit, vous êtes la lumière. Il suffit que la lumière soit connectée, elle donne son énergie. Nous sommes d'accord? Alors, si nous sommes connectés, l'énergie donne. On n'a pas besoin de s'efforcer, non. Ça donne tout seul. Alors, cherchons à se connecter, comme le Seigneur a dit. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et tous les autres, vous serez donnés. Donc, connectons-nous en haut. Et laissons le haut nous faire briller. Amen. Amen. Connectons-nous en haut et laissons le haut nous faire briller. La force et la grâce que nous avons, c'est que nous venons de lui. Nous sommes de sa race. Et si nous sommes de sa race, il nous reproche notre incrédulité. Miséricorde de miséricorde. Il nous accorde encore cette grâce. On commence à l'entendre. On commence à le comprendre. Et forçons-nous de le plaire. Et si on le plaît, on est connecté à lui. Il nous donne à prier. Je vous le rassure, certainement. Nous marcherons, on dirait, les voisins vont commencer par dire, voilà, les gens-là ne sont pas comme les autres. Certains viendront nous poser des questions. Comment vous faites? L'autre dit, je veux connaître ton Dieu. Parce que véritablement, notre Dieu ne veut pas être seulement le Dieu d'Abraham. Il est le Dieu d'Isaac. Il est le Dieu de Jacob. Mais il veut être et le Dieu de Moïse, et le Dieu de l'apôtre Paul, et le Dieu du frère Junior, et le Dieu du frère Achille, et le Dieu de tout le monde ici. Pas le Dieu de son pasteur. Non! Mon Dieu, parce qu'il est ton Dieu. Mon roi, parce qu'il est ton roi. Alors, chacun va dire, le Dieu de tel est un Dieu vivant. Parce qu'on le voit au travers de toi. Parce qu'on le voit vivre ta nature. Je peux encore donner un témoignage ici que j'ai fait avec ma mère. Pendant que j'étais là-bas, je voulais même tirer ses oreilles pour qu'elle ne mette pas les engrais chimiques en bas de ses plantes. Quand on cultive le maïs comme ça, tout le monde met les engrais. J'ai dit à maman, quand je suis arrivé, j'ai dit, maman, ne fais pas ça. Elle m'a grondé. Bavardé. Tu crois que si on ne fait pas, j'ai dit, Dieu a dit que quiconque détruit la terre, il le détruira. Donc, si tu aides ces gens à toujours fabriquer les produits, Dieu va te détruire, eux et toi, parce que tu es leur compagnie. La main a grondé. Je suis resté calme. J'ai pris ma position d'enfant. Parce que, en même temps, je peux prendre la position que je connais un peu les écritures, mais de toutes les façons, je suis un enfant. Quand elle a insisté, je suis resté calme. J'ai dit, maman, mais sache que tu connais la vérité. Pour moi, je ne peux rien faire au-delà de ça, car je te dois soumission. Mais cette année, à la grâce du grand Dieu, elle a fait le ciment, elle n'a pas mis les engrais en bas. Dans les maïs, avec cette taille ici, les charançons ont commencé à fatiguer, m'a pris en otage. C'est toi qui m'avais dit que je vais avoir, c'est toi. J'ai dit, maman, voici le véritable problème. C'est qu'on ne laisse pas Dieu arriver au bout du chemin. Il peut te faire perdre tout cette année, mais tu vis sans manquer de maïs. Je lui dis, cette femme de Sarepta, elle avait rien qu'un peu de farine, un peu d'huile. Elle savait qu'après que je finis ceci, je n'ai plus rien, mon fils et moi, nous mourrons. Mais le grand roi a dit, donne ça à mon Seigneur et mange-le. Elle n'a pas raisonné. Ce qu'elle a fait, elle est allée préparer. Comme il a demandé, il lui dit que voici ça. La parole est sortie. Son accomplissement était. Elle dit, maman, apprenons à vivre ça. Moi-même, j'aime le maïs. Je voudrais faire avoir la bouillie constamment. Mais ce n'est pas à cause du maïs que tu veux que tu vas désobéir aux lois de Dieu. Elle a acheté le truc qu'on appelle ou pulvériser. Oui, pour que j'aille faire ça. En fait, même le jour où on partait, elle m'a mis la pression qu'on a. En venant là, le maïs avait déjà donné la fleur. Les très petites tailles. Où ses voisines étaient de grande taille. Et c'est toujours là-bas qu'elle portait les regards. Regarde, regarde, regarde ma part. J'ai dit, maman, je crois que le Seigneur Jésus est assis sur le trône. Je suis, nous on n'a pas pu pulvériser, on est rentré. Mais je vous rassure, le grenier était plein de maïs. Tous les petits qui ont devenu des vrais épis pleins. Je vous le dis au nom du Seigneur Jésus. Je vis ces choses et ça m'étonne. Et j'ai fait fermer la bouche en main. Plein. C'est moi qui, nous sommes, on a pris 2 pouces pour aller chercher le maïs. Plein, nous sommes venus verser. J'ai attaché avec elle. Quand c'était fini, j'ai dit, maman, viens. Elle est venue. J'ai dit, ok. Toi et moi, qui dit la vérité? Elle dit, c'est quoi? J'ai dit, mais je t'avais dit que laisse Dieu arriver. Ton maïs peut être chétif, mais il te donne ce qui te suffit. Ça peut être très grand détail et tu casses. Il n'y a rien qui sort à l'intérieur. C'est quoi ça, maman? Elle a commencé à regarder le sol. J'ai dit, tu ferais mieux. Tu comprends que Dieu a porté un regard favorable dans notre maison. Donc, conseille. Je peux connaître ces choses, je vous le dis, c'est ce que j'ai vu. On ne veut pas laisser Dieu choisir ses voies. On ne veut pas le laisser arriver au bout. Admettons que Dieu est Dieu. On ne discute pas avec lui. Et si on a la grâce de s'approcher de lui, on ne mérite pas. C'est sa bénédiction à lui. Ce n'est pas un mérite. Loin de nous. Ce n'est pas un mérite. Il pouvait choisir l'autre membre dans notre famille et nous délaisser à nous. La première guerre mondiale pouvait commencer qu'aujourd'hui. Et nous efface, on n'entend pas sa voix. Mais si il nous a conservé, la première guerre mondiale n'a pas rasé notre race. La deuxième n'a pas rasé. Il a tout fait jusqu'à ce que nous sortons aujourd'hui. Et il nous accorde la grâce. Disons, Seigneur, je veux conserver cette grâce. Que ça ne soit pas en vain. Que ça ne soit pas en vain. Et que ça ne soit non plus l'orgueil. Non. Mais au contraire. Au contraire. La soumission. C'est comme ça que nous devons être bâtis. Ou être enracinés. Chacun pour sa part. D'abord. Chacun pour sa part. D'abord. Puis, on le fera ensemble. Si chacun de nous est allumé. Pou. Quand nous seront ici, la maison va éclairer, va resplendir. Et nous pouvons chanter des louanges que Dieu va faire vibrer le sol parce que c'est son esprit qui chante au travers de nous. La maison va trembler. On va dire qu'il y a la sorcellerie là-bas. Oui, bien sûr, vous ne pouvez dire autrement que cela. Nous devons avoir confiance. Ma mère, elle est là. Et Dieu l'a déjà vraiment montré. Si elle continue à être têtue, ça l'engage. Mais je crois qu'elle a compris la leçon. Elle a bien compris. Je dis moi-même, ça m'étonne. Mais je me réjouis parce que je savais au moins que il devrait le faire. Il ne peut pas mentir. Et je vous dis la vérité encore dans le Seigneur. Si un de nous, dans une maison où toute la pourriture est là, garde ses commandements, à cause de cela, les autres seront tous allumés. Tu sais ça, n'est-ce pas, Sarah? Tu comprends ce que je dis, n'est-ce pas? L'évangélisation avec la bouche ne compte pas. Dieu veut qu'on évangélise avec la bouche. Il choisit. Il envoie. Il annonce. Mais quand tu as une nature qui t'habite, on va te diaboliser. On va tout raconter à ton sujet. Mais chacun est conscient qu'il est en train de faire le mal. Et tu les aimes. Tu les aimes. Ma vie tout entière est un témoignage. Je peux m'arrêter là, je bavarde jusqu'au matin, jusqu'à l'endemain, parce que je sais que ce que je dis est la vérité. Je ne l'ai pas appris. Je n'étais pas à l'école pour apprendre ça là-bas. Mais il m'a formé dans le désert. Il me prend, il balance comme ça. Il balance comme ça. Il balance. Seulement, je comprends ce que lui, il veut que je puisse comprendre. Et quand je comprends, je ne comprendrai jamais pour quelqu'un. Je le comprends pour moi. Et je veux que ça puisse vivre. Et quand je m'efforce, il m'accorde la grâce. Je parviens. Je rends grâce. Je le loue. Je le loue. Si vous voulez, expérimentons. Dites au Seigneur, dites ceci. Si vous avez l'amour pour le Dieu vivant, dites Seigneur, donne-moi un cantique que toi et moi, nous connaissons. Je vais chanter ça pour toi. Priez-le. Quand vous allez vous tourner un matin comme ça, entendre que tu chantes, tu finis, tu voudrais encore reprendre, tu ne connais pas. Tu dis, merde, ça, c'est comment? Puis tu avances. Un des jours, ça revient encore. Tu chantes, tu le loues. C'est merde. J'ai fait ça plus de 10 fois. J'ai couru pour aller prendre mon téléphone pour enregistrer ça. Ça a coupé. On n'a pas dit que c'est pour tout le monde. C'est pour moi et pour lui. Quand mon cœur veut s'éclairer, je dis, Seigneur, laisse-le. Faisons ceci chacun pour nous. Ça, c'est notre secret. Notre secret à nous. Et ces cantiques, je vous le rassure. Le jour de ta détresse, tu peux t'asseoir, tu ne pries pas. Le cantique là vient. Tu commences à chanter. En chantant, tu as un nez qui guette comme ça. Qu'il va sortir par où? Qu'est-ce qu'il va faire ici? Qu'est-ce qu'il va faire? Ton cœur est dans la joie parce que tu sais qu'il va le faire. Ça ne vient pas au hasard. C'est des choses que le chrétien manque. Il a plus le zèle pour aller dire au voisin. Il a plus le zèle pour annoncer, oh, le Seigneur Jésus-Christ est Dieu, il est ceci. Qu'il soit Dieu, qu'il ne soit pas. Qu'il soit sur le trône, qu'il ne soit pas. Tu ne peux rien comprendre parce qu'il n'y a pas une route qui quitte la terre pour le ciel. Pourquoi tu dis que là où je suis monté, tout ça, il n'y en a pas. On monte là-bas par la foi. L'amour t'habite, tu laisses. Le jour, ça le prend, il dit viens. Et vois. Et dit que rentre. Il dit, Seigneur, veux plus rentrer, tu constates seulement que tu es couché. Ça n'a pas quoi sur la tête. Avançons. Donc, mes bien-aimés frères, nous avons besoin de notre communion personnelle avec le Dieu vivant. Cela ne vient pas par les muscles. Cela ne vient pas par les bruits. Parce qu'il ne se fait pas connaître dans les bruits maintenant. Il se fait connaître dans un doux et léger murmure. Ça passe comme ça. Pendant qu'on est en train de parler comme ça, il est au milieu. Il fait ce qu'il a fait. Ça l'est et rien. Et tu rentres, tu constates que tu rentres. Ça fait que tu fais poupou. Même jusqu'à là, ça n'a rien. Quand ça prend déjà feu, ça brûle. À un moment donné, tu dis, Seigneur, je vais quitter la terre. Tu dis, non, ce n'est pas le moment. Moi, je ne dis pas te donner mon amour pour que tu quittes la terre. Tu dois me glorifier là-bas. Je suis entre tes mains. Fais ce que tu veux. Tu es prêt à tout quitter. Tu es prêt à tout abandonner. Tu es prêt qu'on t'insulte. Tu es prêt qu'on te traîne au son. Ça ne te dit rien. Parce que ceci n'est pas visible. Quelqu'un ne peut pas regarder, on ne pas l'amour de Dieu sur son cœur. Non. C'est toi seul qui sais. Ces choses-là, c'est la vérité. 3 ans en arrière, je ne croirais pas. Mais ce que je vous dis, je suis un témoin. Ce que je vous dis, je ne pense pas, c'est ma vie. Je le sais. Mes amis dans le monde savent tous que quelque chose d'anormal est passé dans ma vie. Parce que j'étais un homme, j'ai fait des armes à ceux. Vous connaissez ce qu'on appelle le gros bras. J'étais né déjà costaud et fort. Je me suis allé exorbiter. Je me formais pour être une machine à détruire. Ce qui fait que si vous montrez, il y a un endroit qu'on appelle Entrebi. Si vous allez là-bas, si je vous donne mon mot de passe, allez là-bas, dites, prononcez, on va dire, mais il est où? Mais je viens là, je passe comme ça. Tout doucement. J'étais un homme de colère. Je ne savais pas que le Christ avait le cœur et ôtait la colère. Voici celui qui connaît ma vie. Quand j'ai cru, quand le désordre a commencé, c'est lui seul qui était avec moi, était à côté de moi. Tout le monde m'a fui, n'est-ce pas? Lui seul s'est attaché. Il a dit que tout le monde. Mais quand même, il est resté là. On a été toujours à Dieu. On a été toujours à Dieu. Il peut témoigner. Tout ce que j'avais possédé, tout ce que j'avais dans le monde, que j'ai travaillé Dieu. Le Seigneur a dit quitte. J'ai quitté. J'ai distribué tout. Je reste avec mon papa. Il le sait. Mais je n'ai pas de soucis. Je n'ai pas d'inquiétude. Au contraire. Je désire ressembler à Jean-Baptiste ou bien au Seigneur Jésus qui avait son sac qui marchait comme ça avec son bâton. Là où la nuit le trouve, il se couche, il dort en chantant les louanges. Il se lève le matin, il suit sa route. Mais s'il plaît au Dieu vivant, un jour, je témoignerai qu'il a agréé mes prières parce que c'est mon vœu. J'ai promis la vie, le chouchou. Donc voilà. Bois, nous on était champions. Allez, ça casse. On était là. Vous savez, quand tu es un enfant avec la force brute, il y a un problème. On dit, il y a tel, je dis, t'inquiète, j'arrive. J'arrive là. Lui qui a commencé, dit tel, je t'enlève, je règle ton compte. Donc, quand je règle, ne cherchez pas à m'arrêter. Vous m'arrêtez, je règle plusieurs. Donc, c'est mieux qu'on me calme. Et qu'on me calme, vous savez, ça donne encore des ailes. Qu'on me montre encore. En marchant, maintenant, tu as une gamme. Mon petit, j'ai moi les dossiers ici. On dit le voir chef là-bas. Et ça, c'est la vraie. Le Seigneur Jésus a dit. Lui, étant Dieu, il pouvait demeurer seul. Il pouvait créer les marionnettes qui manipulent. Il pouvait faire des formes de machines qui ne boivent ni ne consomment, qui obéissent, comme les robots. Et il a fait des hommes. Il a donné son image. Il a donné sa ressemblance. Et toi, tu viens détruire. Ça ne va pas. Quand j'ai compris ça, mes doigts, mes orteils, c'est bon. J'ai dit, Seigneur, aie pitié. Je n'avais pas compris ça. Je croyais que l'homme vivait par ses propres capacités. C'est lui qui a donné. Il n'a pas donné le corps, la force, le courage pour que tu aies des trucs. C'est pour que tu aides ceux qui sont dans le bois. Et cette force n'est pas physique. C'est dans le jeu, la prière, dans un angle que personne ne voit. Et ça marche. Alors chacun de nous devait prendre garde. Quand il dit qui, j'ai dit Seigneur, la colère. Je ne peux pas m'en sortir. Oui, parce que j'avais une colère qui m'a. J'ai failli tuer. C'est lui qui a enlevé mon petit entre les mains. J'ai failli le tuer un jour, donc l'égorger. Avec la main, pas que je l'ai tapé, il est bloqué à l'angle comme ça, la façon qu'elle le tapait. C'est lui qui est monté. Et ce jour-là, Dieu a même fait que je ne le finis pas aussi. C'est lui qui est monté. Le petit allait se placer là-bas, il était rouge. C'est comme si la fumée dégageait sur lui. Grand frère, il dit, avance un pas. Je te montre que je suis ton ennemi. Parce que c'est lui, ces choses-là, ça m'a aidé. Mais le Christ a dit, ce n'est pas bon. Mais ce n'est pas les prières. J'ai dit, Seigneur, aide-moi. Aujourd'hui, dans ma propre maison, chez nous, tout le monde m'insulte. Pourquoi on dit, quand tu étais dans le monde, tu étais plus bien que ça. Tu es devenu nonchalant. On parle, tu ris. Tu fais. J'ai dit, bien sûr, parce que Christ a donné quelque chose à moi. Je ne veux pas la perdre. Je ne veux pas haïr. Je ne veux pas ça. Je dois accepter qu'on me saute, qu'on me traite, qu'on dise ce qu'on veut. C'est normal. Si tu n'as pas la lumière en toi, tu ne peux pas donner la lumière. Tu ne peux pas produire. Et si tu as la lumière, tu ne peux pas être dans le noir. Tu ne peux pas. Ça va rayonner. Donc admettons que notre Seigneur nous moule. Nous moule. Nous moule. Nous moule. Quand on va prendre le goût, quand la saveur va toucher la langue, glisser, poser sur le cœur, chacun va dire bye bye au monde. Bye bye. Sans lutter. Vous n'avez pas dit, je ne veux plus aller au monde. Non. Tu regardes le monde comme ça. Tu as plus de compassion. Tu dis, ouais, tous ces gens vont aller en enfer. Ça devient sur le cœur un dessert. Seigneur, enlève tes brebis. Aie pitié de tes enfants. Fais-le quitter le noir. Fais-le quitter. Quand il les enlève, il te dit bon. Il fait seulement quitter. Mais le jour viendra où chacun saura que oh, les prières étaient toutes considérées devant le Dieu vivant. Amons-nous du zèle d'amour. Amons-nous du zèle que donne l'évangile de paix. Amons-nous de la purité, de la vérité qui habite le Seigneur Jésus-Christ, qui est et qui est dans sa parole. Laissons Dieu agir. Ne cherchons pas de grandes choses, mais cherchons les minimes choses. Que ça le plaît de nous donner les grands. Que ça le plaît de rester silencieux, on le loue. Parce qu'un jour, il y aura confrontation. Confrontation. Le jour-là, on saura qui a le vrai Dieu. Ici, il faut au préalable que tu aies ta position. Pour que la chose arrive, tu dis si plaise à mon Dieu, de valider, qu'il valide. Et tu es tranquille. Ça le plaît, il prend sa décision qu'il a prise. Si tu es fait pour lapider, qu'on te lapide. Tu n'as pas d'angoisse sur ton cœur. Tu sais que je rentre à la maison. Qu'il plaise, qu'on te garde en prison. Tu n'arrives pas en prison. Tu dis, Seigneur, je vais sortir aujourd'hui. Non. Tu dis, tes yeux me voient. Tu te couches, tu dors. S'il le plaît, il te fait heureux ça et là. Tu heures ça et là. Là où tu te couches, il dit, Élie, lève-toi et mange. Il sait là où tu es. La confiance absolue, le zèle que donne l'évangile de paix, le zèle que donne la croix, l'amour dans mon cœur, ressembler le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, en lui obéissant, parce que c'est en lui obéissant que nous sommes purifiés, que nos cœurs sont nettoyés, parce que sa parole est faite pour nettoyer tout ce que le monde a mis à nous. On ne peut pas refuser notre nature, nous sommes des pécheurs. Mais il travaille plus que ce qu'on ne peut imaginer. Il s'en fout de ceci. Mais il veut l'homme intérieur. Parce qu'à la fin, ceci devient comme un habitat. Le temple. Mais l'homme est à l'intérieur. C'est celui-là, quand il est régénéré, quand il est restauré, il peut être différent. Il peut être différent et il sera différent. Amen. Amen. Nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble, mon frère. Voilà. Moi, je crois que je vais m'arrêter comme ça. Parce qu'avec les affaires, quand c'est sucré, sucré, là, on peut se trouver là le lendemain. C'est ça, n'est-ce pas? Nous allons prier. Et je vais prier. Parce que j'ai un désir Le livre de Romains dit la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Vous croyez que ça va venir comment? Les anges avaient des ailes qui descendent du ciel et se baladaient sur la terre. Des êtres qui ont écrit Jésus-Christ sur leur front, sur leur ventre, sur leur dos, sur leur nuque. Non, ça ne viendra jamais comme ça. Si on attend cela, on a heurté. On a échoué. Mais ça viendra par la régénération de l'homme intérieur, la transformation. Et le signe, c'est l'amour, la libéralité, la considération, veiller les uns sur les autres, être attentif, prendre le souci de l'autre sur son cœur, faire sa part avec, intercéder pour ton frère sans l'informer, sans chercher à le voir, sans savoir ce qu'il fait, être prêt à se lever comme ça, dit Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour telle sœur, quel est son souci, pour tel frère, il lui dit, telle sœur manque le savon. Tu prends le savon selon la portée qui te donne, tu vas remettre. C'est waouh, oh Seigneur, merci pour ce savon. Mon Dieu fait, le Seigneur assis sur son trône nous regarde et sourit. Il dit, voilà ce que j'attends sur la terre. Voilà ma soif dans le cœur des saints. J'ai besoin de cela. Je veux voir. J'ai dit à mon Dieu que Père, j'ai entendu des choses glorieuses que tu as fait en Israël. J'ai entendu des choses glorieuses que tu as fait dans les actes des apôtres. Quand je lis, je veux être transporté dans cette nature-là. Je veux voir ça. J'ai besoin. Ce n'est pas que je doute qu'il peut le faire ou qu'il ne peut pas. Je sais qu'il l'a fait. Alors pourquoi ce n'est pas à nos jours? On doit devoir chercher cela. On doit devoir chercher. On doit devoir désirer. On doit devoir accepter que cela a existé et ça doit exister. Pour toujours exister, parce que le royaume dans lequel nous partons n'est pas un royaume de violence. Ce n'est pas un royaume de dictature. Ce n'est pas un royaume d'oppression. C'est un royaume de liberté. C'est un royaume d'amour. Parce que le grand maître assis sur le trône est amour. Et tout ce qui est autour de lui est rempli d'amour. Et nous venons dans ce royaume-là avec notre... Je ne sais comment il va faire, bon, choses certaines qu'il va nous revêtir. Et on doit vivre pour l'éternité. Alors c'est mieux pour nous de vivre cela, de désirer cela, qu'il nous le donne et qu'on puisse s'exprimer, exprimer cet amour au devant de lui. Qu'on puisse le prier avec amour, qu'on puisse le rendre grâce avec joie, qu'on puisse chanter des cantiques en le célébrant. Parce qu'il a fait pour nous ce que nul n'a fait. Il a fait pour nous ce que nul n'a osé, n'a pensé le faire. Et nous n'avons rien fait pour mériter, c'est uniquement la grâce. Grâce après grâce. Alors nous devons chercher l'amour. Oui, moi-même je ne croyais pas à ces choses. 3 ans en arrière, je ne croyais pas. Je ne croyais pas. Je croyais que le monde, la vie, c'est la méfiance. Il faut se méfier de tout le monde. Oui, il n'y a pas. Mais quand je suis entré au milieu, j'ai vu ça croître. J'ai vu ça croître. J'ai vu croître. J'ai vu croître. Je n'ai pas seulement entendu. J'ai vu croître. J'ai vu croître. J'ai vu croître. À un point où je sais que si on persévère encore et encore, à un moment, le lion serait inondé. Inondé. Et si on est inondé, partout où nous partons, cela c'est vrai. Alléluia. Amen. Nous pouvons prier. Non, pardon, c'est pour les plusieurs préoccupations. J'étais pour maman. C'était par rapport à du côté là où on était. Pendant souvent quand on priait, on priait toujours violemment. Dès qu'on arrête de prier, le pasteur dit que les gens ici, quand on est en de prier, ils ne prient pas. Alors que le royaume de dessus appartient aux violents. Je ne sais pas si ça, si c'est, si c'est le passage. Oui, c'est le temps de Jean-Baptiste. Oui, oui. Qu'est-ce que vous devez appartenir ou à partir au violent? Je voulais vous savoir vraiment la signification. Est-ce que c'est violent parce qu'il faut prier violemment ou faire? Non. Non, là, tu suscites un enseignement. Donc, Dieu voulant, on doit devoir exhorter là-dessus. D'accord? Ce n'est pas la violence dont Dieu parle. Ce n'est pas parce qu'on a bougé, agité. Non, il veut dire quelque chose. Des hommes, des êtres qui s'engagent, sont déterminés pour y arriver. Donc, quand tu marches, tu sens que ceci m'arrête, tu pousses. Tu pousses. Ton but, c'est d'aller. Oui, j'ai aussi une inquiétude. Je voudrais vraiment la réponse en un mot. Oui, selon que la Seigneur a fait. Oui. Vous, lorsque vous étiez en train de... Moi, tu. C'est une habitude pour moi de faire. Quand tu développais l'enseignement que tu avais eu, comme papa dit, j'ai le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il convient de dire? On dit le Saint-Esprit demeure en moi. Okay. On dit pas j'ai le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit demeure en moi. Dieu a agréé ma prière, ma foi. Merci. Et il m'a béni le Saint-Esprit. Voilà. Maintenant, on va aller, n'est-ce pas? Nous allons prier. Prenons vraiment à cœur et prions. Le grand roi se trouve au milieu de nous. Bien qu'il n'agit pas le sol, il est présent. Nous allons prier. Et on va demander au Seigneur qui nous donne la victoire sur toute chose pour lui obéir et qu'il fait habiter en nous son amour. Et je vais prier pour tout le monde. D'accord? Priez. Ne craignez pas de dire priez tant que ça sort. Priez. Car notre Dieu est capable d'entendre distinctement la voix de chacun. Ah, de même qu'il nous écoute, de même il y a des assemblées, des frères qui sont partout, ils prient, ils les écoutent. Il est sans limite. Oh, c'est merveilleux. Père, Dieu du ciel et de la terre, roi assis sur le trône, au nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, nous élevons la voix avec toi. Nous te rendons grâce et gloire, Dieu Tout-Puissant, parce que toi seul, tu as fléchi les cœurs et tu as dit ta parole avec des témoignages que tu as accordés que cela se dit au milieu de toi. Nous te sommes infiniment reconnaissants et nous te disons merci pour la nourriture que tu as accordée à notre âme et à notre esprit. Et nous te supplions, Dieu du ciel et de la terre, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, de faire habiter dans chaque cœur la parole dont tu as fait entrer en nous. Que cela ne soit point en vain, Dieu du ciel et de la terre, et que l'ennemi ne vienne pas ôter cela de nous. Et que les soucis de ce monde ne viennent pas étouffer la parole. Mais Dieu du ciel et de la terre, que ces paroles soient tombées dans les cœurs bons et honnêtes, et qui va porter des fruits avec persévérance, tel que tu l'as dit. Dieu du ciel et de la terre, tu n'as point changé, et tu es le même. Nous avons besoin de ton soutien, nous avons besoin de ta grande grâce. Oh Dieu, pour nous soutenir, car c'est ainsi que tu nous l'as fait connaître, que c'est ta grâce qui soutient tes enfants, qui soutient ton Église. Nous en avons besoin, Dieu du ciel et de la terre. Nous en avons besoin que tu nous accordes cette grâce pour nous soutenir, afin que nous puissions paraître devant toi sans tâche ni rien de semblant. Nous te supplions, car notre cœur est incrédule. Le doute nous habite, Dieu du ciel et de la terre. Et le raisonnement est plein en nous. Mais Père, nous voulons quitter le monde. Nous voulons quitter entièrement le monde et demeurer dans ton admirable lumière. Et nous avons besoin de ta sainte présence. Nous avons besoin de ton soutien. Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, répands dans chaque cœur ici présent. Dans chaque cœur ici présent et dans tous les cœurs qui sont dans le monde, nos frères et sœurs qui sont partout dans le monde, afin que nous soyons animés, ô Dieu, d'un même zèle. Le zèle que porte l'évangile de paix. Le zèle que la croix nous donne, un zèle d'amour. Un zèle de reconnaissance, un zèle de soumission et d'obéissance en toutes les choses. Nous ne voulons plus demeurer dans les ténèbres et nous ne voulons plus marcher en compagnie des ténèbres. Mais nous voulons, ô Dieu, être revêtus de ta nature, vivre ta parole comme si, Seigneur, nous étions ta parole. Nous voulons être, oui, Dieu du ciel, chaque lettre de ta parole, nous voulons la représenter sur la terre. Et que notre cœur soit toujours connecté à toi. Dieu du ciel et de la terre, tu es tout puissant pour rendre l'impossible possible. Tu es tout puissant, roi, pour donner au mieux la bouche de parler, pour donner au sourd l'entendement, Seigneur, pour donner à l'aveugle la vue. Nous te supplions, Dieu, que tu étends ta main, ta grande miséricorde, et circoncis chaque cœur ici présent. Circoncis chaque cœur de tes enfants, qui sont partout dans le monde et qui écouteront cette exhortation. Père, je te prie de toucher chacun leur cœur et que ta miséricorde, ta grâce se répande sur chacun d'eux. Et que nous vivons, où que nous soyons, ô Dieu, que le même esprit nous guide et le même amour nous anime, afin que, Seigneur, tu sois pleinement glorifié dans notre vie. Nous avons besoin de ta sainte présence. Nous avons besoin, ô Dieu, que tu sois au milieu de nous. Chaque jour, nous avons besoin de ta compagnie, Seigneur, sur la route. C'est pourquoi, Dieu du ciel et de la terre, notre cœur est au-devant de toi. Soupirant, Dieu, te supplions de transformer notre cœur. Ôte l'incrédulité, ôte le doute, ôte le raisonnement, ôte les mauvaises pensées. Ferme tous les autres portes, ô Dieu, par lesquelles l'ennemi passe pour nous renverser. Mais ouvre uniquement la porte qui mène tout droit à toi. Ouvre uniquement les portes, ô Dieu, qui viennent de ton saint temple, afin que ce que tu dis, nous l'entendons. Ce que tu veux, nous le faisons, Dieu du ciel et de la terre. Car nous ne voulons plus vivre selon les pensées de notre cœur, selon le mauvais raisonnement qui est en nous, Dieu du ciel. Mais nous voulons vivre selon le conseil de ta volonté. Tu es tout puissant et nous avons cette assurance en toi que nos prières, tu les écoutes et tu nous exauces. Bien que nous nous voyons, bien que nous pensons autrement, Père, tu fais accomplir ta volonté et tout ce que nous t'avons demandé, tu le fais accomplir dans notre vie. Donne-nous un cœur bon et honnête, Dieu du ciel et de la terre, pour toujours marcher dans tes voies, pour toujours te présenter nos prières, pour toujours te présenter nos actions de grâce. Notre prière est de reconnaissance. Enseigne-nous, ô Dieu, à invoquer ton Saint-Nom. Enseigne-nous, Père, à nous confier en toi. Enseigne-nous, Père, à prendre appui sur toi. Oui, Dieu du ciel et de la terre, enseigne-nous, Père, à ne point douter, ni murmurer, ni raisonner quand nous sommes devant le peuple. Mais donne-nous l'assurance. Donne-nous, ô Dieu, la confiance. Donne-nous, Père, la conviction pour que nous marchions dans tes voies. Seigneur, nous t'aimons. Ton peuple t'aime, tes enfants t'aiment et désirent t'obéir. Accorde ta grâce. Oui, Dieu du ciel et de la terre, accorde ta grâce, Père. Au nom de mon Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, à tes enfants, afin que tous t'obéissent, afin que tous t'obéissent, afin que tous te soient soumis. Prends, Dieu du ciel et de la terre, sur ta responsabilité, notre corps, notre âme, notre esprit. Prends cela sur ta grâce, Seigneur, et aide-nous à t'être patient. Agrée notre foi, Seigneur, agrée notre foi. Prends sur toi notre vie et donne-nous d'être toi-même notre trésor. Donne-nous toi-même, ô Dieu, à prendre position pour toi. Donne-nous toi-même, ô Seigneur, à toujours avoir les regards fixés sur toi. Tu es l'unique et tu es le véritable. Avant toi, il n'y avait point de Dieu. Après toi, il n'y en aura point. Tu es celui qui était, qui est et qui sera. Tu es celui que nous attendons et tu es celui en qui nous nous confions. L'honneur et la gloire te revient, Majesté. Dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Garde tes enfants et ramène-les tels que tu les as ramenés, et que ta parole demeure sur le cœur de chacun, et que le cœur de chacun chante les louanges en ton honneur, Dieu du ciel et de la terre, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Que la grâce et la paix de notre Seigneur soient sur chacun de nous. Saluons les uns les autres. Ah. Il y a un cantique là, je ne sais pas si tout le monde sait chanter ça. On ne sait pas chanter. Jour de bonheur, victoire et paix, et joie ineffable. Ô Fils de Dieu, c'est adorable, à Jésus j'ai donné mon cœur. Quel beau jour, ô Dieu sauveur, j'ai su l'amour. Mis dans ma nom, vers le patrie, Seigneur m'attend et pour ma prie. Quel beau jour, ô Dieu sauveur, j'ai su l'amour. Comprenez mon heureux sang, c'est en Jésus que Dieu pardonne. La vie éternelle, il la donne, pour pardonner mes jours. Quel beau jour, pour de son cœur, Jésus l'amour, mis dans ma douleur. Vers le patrie, Jésus m'attend, et pour moi prie. Quel beau jour, où de sauveur, Jésus l'amour. Au ciel des chants, on retentit, Alléluia, disaient les anges, en ton nom de par un pécheur s'est converti. Quel beau jour, où d'un sauveur Jésus l'amour. Puis dans ma nuit, elle partit, Jésus m'attend et pour moi prie. Le Fils de Dieu m'appelle frère, sans sa poula sur le calvaire, il est à moi, je suis à lui. Oh. Quel beau jour, ô d'un sauveur, Jésus l'amour, lui dans ma nuit, vers le patrie. Jésus m'attend et pour moi prie. Quel beau jour, ô Dieu sauveur, Jésus l'amour. Dieu permettra qu'on s'achète des cantiques. Donc comme ça, on va bien chanter. On va vraiment. Ça a annoncé. Un jour calme et serein, c'est dans ton cœur que peut gronder l'orage qui fait trembler le pelé. Veille au matin, veille le soir, veille et prie toujours. Veille à midi, quand les fruits de la terre semblent aussi un jour calme et serein. C'est dans ton cœur que peut gronder l'orage qui fait trembler le feu. Veille au matin, veille le soir, veille et prie toujours. Hé, hey, Atitou, toi-même tu as la joie dans le cœur. Ça, je connais la chanson. Ah oui, bien sûr. Ça, c'est bien. D'accord. Que le Seigneur te bénisse. On chante comme ça. Ah, c'est un bénisseur. Tu veux qu'on chante des cantiques? C'est bien, non? On chante, n'est-ce pas? Oui, avec Dieu. Justement. On chante avec Dieu. Oui, bien sûr. Viens à, viens à, viens à sa parole, crois au seul nom qui console, tu m'invites. Waouh! Ça, c'est merveilleux. Seigneur Jésus, il se nomme, il aime, il aime, il pardonne. Viens, tu chantes. Alléluia.